La cinquième section, c'est la deuxième visite de Gauvin au Château du Graal, qui inclut d'autres épisodes, mais on vous en parlera plus en détail. Mais Gauvin retourne au Château du Graal et il commence à découvrir un peu le mystère de cette sainte lance. Et finalement, la sixième section, de nouveau, un peu comme le livre de Caradoc, n'a rien à voir. Cette fois-ci, on suit les aventures de Gaëret. Disons, c'est uni... Le frère de Gauvin. Hein. Le frère de Gauvin. C'est uni par les aventures de Gaëret, mais en fait, c'est un cadavre qui arrive dans une barque tiré par un cygne à la cour d'Arthur. Arthur arrive pas à dormir et il le voit. Et il a une lettre sur la poitrine, il lit la lettre, puis ça nous dit, tiens, il faut... Il a une larme plantée dans la poitrine, et celui qui enlève l'arme de sa poitrine devra le venger. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez disparate, et comme vous avez remarqué, j'ai pas mentionné une seule fois Perceval, parce que, ben voilà, Perceval est pas trop là. Il apparaît brièvement, on verra. Je vous rassure tout de suite, il y en a pour 30 secondes. Il s'est rien passé? Vous avez pas rencontré de vieux? Si, comment vous le savez? Vous rencontrez toujours des vieux. Non, mais ce coup-ci, c'est vrai. Parce que d'habitude, c'est pas vrai. Bah, d'habitude, c'est à peu près, mais... Ce coup-ci, c'est un vrai vieux avec des puces, tout. Écoutez-moi bien. Vous allez raconter exactement ce qui s'est passé. Vous le racontez d'une traite, et vous changez pas d'avis au milieu. C'est clair? Il s'est rien passé, en deux phrases, c'est fini. Non, mais je veux pas le savoir. Vous racontez ce qui s'est passé, d'un coup, sans vous arrêter, et si vous changez des trucs... Je vous envoie le registre à travers la gueule, vu ? Ouais, c'est bon, je suis pas con quand même. Je vous écoute. Pour commencer, j'ai rencontré une vieille. Ah non, mais c'est pas vrai ! Il y a deux secondes, c'était un vieux ! Mais c'est la vieille qui m'a aiguillé sur le vieux. Je commence par le début. Non, simplement, peut-être laissez-lui deux secondes le temps d'en passer une. Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 8, les premières et deuxièmes continuations du Perceval. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui, on va littéralement continuer ce dont on vous a parlé la dernière fois. On va poursuivre littéralement là où on s'est arrêté à la fin du conte du Graal, c'est-à-dire qu'on va vous parler des continuations. Des gens qui ont tenté de continuer l'œuvre de Chrétien, littéralement de la même manière, en vers. Et dans les manuscrits, généralement, elles étaient écrites à la suite. Donc les gens qui lisaient Perceval au Moyen-Âge les considéraient probablement comme un tout, comme un ensemble d'une histoire continue. Et très longue. Et très longue. Effectivement, les continuations sont généralement plus longues que le Perceval même. Ah bah, le Perceval, dans ma traduction, représente à peu près 80 pages, et les traductions en complet, c'est 6 fois ça. Ouais. 480 pages. Donc, pour vous donner une idée du volume des continuations, c'est énorme. Donc, des gens étaient pressés de continuer l'histoire de Perceval. À la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, on voit apparaître ces gens qui essayent de conclure cette histoire. Mais ils n'étaient pas pressés non plus, c'est-à-dire que oui, on voulait voir la suite du Graal, et c'est un thème qui va revenir dans ses continuations, mais c'est à peu près à ce moment-là que les gens se sont rendus compte que cette structure du chevalier errant qui va de forêt, de château en château avoir des aventures, c'était une structure qui était parfaitement élastique. Vous pouvez insérer autant d'épisodes que vous voulez, vous pouvez faire autant d'aventures que vous voulez, même si elles n'ont pas grand rapport. Et du coup, les continuations qu'on va voir aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les premières et deuxièmes continuations, eh ben, il y a beaucoup d'épisodes qui ont été insérés là-dedans, mais qui n'ont pas un rapport énorme avec l'histoire de Perceval ou avec le Graal. Il faut dire aussi que c'est peut-être dû à la façon dont ces épisodes, ces textes étaient lus, en fait. Épisode par épisode, ça transcrirait assez bien, je pense, la façon dont ces textes étaient consommés par leur public. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, on n'est pas à quelqu'un comme nous qui va prendre un roman et commencer à lire au lit le soir et continuer à lire pendant quelques heures avant de reprendre et peut-être de lire 5 heures dans un train l'autre jour. Ou voilà. C'est vraiment des textes qui étaient conçus pour être lus épisode par épisode, en une seule lecture de... peut-être une demi-heure, une heure, et qui n'allait pas nécessairement prendre beaucoup plus de temps, et qui allait être suivi un jour après l'autre, peut-être, et où du coup la mémoire des gens n'allait pas forcément être « Hey, mais tu viens de me raconter le même épisode il y a deux heures, l'exacte même façon », et plus sur l'intérêt pour les variations et le divertissement quotidien présenté. Justement, on va vous parler un peu après des éditions. Roach présente dans son édition de la continuation une espèce de squelette de la continuation parce qu'il y a différentes rédactions, donc ça peut être utile de se rappeler ce genre de résumé, et il la sépare en épisodes. Et en fait, je pense qu'on pourrait presque parler de scènes, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on arrive quelque part, il se passe quelque chose, et après on repart. On a vraiment des enchaînements de tableaux où le chevalier arrive, il accomplit peut-être une aventure, un combat, il résout une énigme ou il apprend l'histoire d'un endroit, et puis après il repart. Et très souvent, ils ont ils sont complètement déconnectés du reste. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, un truc se passe et on repart. C'est très circonstanciel en fait. La principale raison qui permet à la première continuation d'avoir à peu près 20 000 lignes, c'est ça, contre autour de 9 000 pour Perceval en lui-même, c'est vraiment cette capacité à pouvoir ajouter ad infinitum des épisodes qui arrivent juste parce que le chevalier est au mauvais endroit au mauvais moment, et parfois qui n'ont rien à voir même avec les aventures du chevalier dont l'histoire raconte les aventures. Faut aussi préciser peut-être que toutes les continuations n'ont pas forcément le même intérêt pour Perceval, puisque sur les quatre grandes continuations de Perceval, il y en a quatre. La première, par exemple, la première continuation, qu'on appelle souvent continuation Gauvin, eh ben, elle continue les aventures de Gauvin, où elles étaient interrompues à la fin de Perceval, et elle continue ainsi, sans mentionner Perceval, ou presque. Il apparaît très très brièvement pendant un épisode, et c'est tout. La deuxième continuation Perceval, lui donne un peu plus de place. Elle a été écrite par un auteur qui s'appelle Gaucher ou Vauchier de Denain, dont on est à peu près sûr que c'est lui qui l'a écrit. Enfin, on le suppose en tout cas. Son nom apparaît dedans. La troisième continuation, c'est un peu plus compliqué, fait figurer Perceval un peu plus également. On appelle généralement troisième continuation celle de Manessier, que nous on va appeler continuation Manessier ou troisième continuation, mais elle n'est pas toujours la troisième. Il y a quelques manuscrits où elle est précédée par une autre continuation qu'on appelle parfois quatrième continuation, même si elle est souvent placée, elle est tout le temps placée avant la troisième, qu'on appelle aussi continuation Gerber ou Gerber, qui est en fait probablement une autre troisième continuation séparée de celle de Manessier, qui a été écrite indépendamment et qui a été amputée de sa fin pour pouvoir insérer celle de Manessier après. Oui. Donc voici pour le compte de nos quatre continuations. Ce qui ressort de la comparaison de Gerber et Manessier, justement, qui sont plus tardives que celles dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un embranchement où elles se séparent et où elles donnent des réponses différentes à ce que Perceval a affronté, en fait. Et qui sont parfois peut-être un peu incohérentes, en fait. Il faut aussi préciser que celle de Gerber, malheureusement, est amputée de sa fin et donc elle n'apparaît que comme précédant celle de Manessier. Mmh. Justement, peut-être intéressant de regarder les manuscrits de Perceval et des continuations. Tu l'as dit, Laïs, les gens ne lisaient pas Perceval indépendamment, ils lisaient avec ses continuations. Et sur les 15 manuscrits qui survivent de l'œuvre de Chrétien, seuls, pas une minorité, mais pas une grosse minorité, mais la moitié, moins de la moitié quand même, ne conservent que Perceval. 8 sur les 15 conservent au moins une continuation. En général, c'est la première, il y en a 8, ces 8-là la contiennent au moins elle. Parmi ceux-ci, il y en a 6 qui contiennent aussi la deuxième continuation, c'est-à-dire on a la première et la deuxième. Sur ces 6 manuscrits, 5 contiennent aussi la troisième continuation, et sur ces 5 manuscrits, encore 2 ont Gerber inséré avant Manessier. Donc on est face à un nombre assez important de manuscrits qui contiennent en fait l'intégralité jusqu'à la troisième, et encore un nombre assez respectable finalement, considérant qu'elle apparaît assez peu souvent, celle de Gerber. Donc on est vraiment face à une dimension composite de cette œuvre. En tout cas, après celle de Gerber, justement, c'est celle dont on n'a que 2 témoins, donc c'est quelque chose d'un peu plus... voilà, c'est un peu plus hasardeux, peut-être. Mais enfin, quand même, que 5, sur ces 8 manuscrits contiennent au moins une continuation, ils vont au moins jusqu'à la troisième. Il y en a 5 qui vont au moins jusqu'à la troisième. Et il existe aussi une autre tradition manuscrite un peu étrange, celle d'un manuscrit de Berne, je crois. Oui, la seconde continuation est conservée dans un manuscrit de Berne, effectivement, qui contient une conclusion propre, séparée du reste. Et donc la seconde continuation apparaît dans celui-ci. Il faut dire aussi que la seconde continuation peut faire office de suite. Ouais. Vous pouvez tout à fait amputer la première continuation, vous perdrez pas grand-chose. Enfin, certes, vous perdrez les aventures de Gauvin et ce qui lui est arrivé après. Mais si vous êtes intéressé par Perceval, il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse dans la première. Donc, vous pouvez simplement continuer avec la deuxième et la construire comme une suite simple entière, qui peut être séparée parce que narrativement, effectivement, elle recommence, elle résume là où Perceval, on l'avait laissé Perceval. Mais vu que Perceval avait une conclusion plus ou moins satisfaisante chez Chrétien, ça suffit. Il existe aussi une tradition d'un manuscrit qui est conservé, je crois, autour de Turin. C'est assez incertain, j'ai pas très bien compris exactement ce qu'il s'agissait, je vais vous avouer. C'est un manuscrit qui a été découvert, semble-t-il, assez récemment et publié assez récemment en 2016, qui contient juste la première continuation. Malgré ça, on a quand même une certaine, disons, confusion autour de ça, parce que typiquement la première continuation a plusieurs rédactions. Sur ces 8 exemples, tous ne sont pas de la même longueur, effectivement. Voilà, il y a ce qu'on appelle une version courte, qui est probablement la version originale, puis ensuite une version longue et une version mixte qui mélange les éléments des deux. Et en fait, c'est vrai que ces textes sont un peu pauvrement édités, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'on trouverait facilement des éditions, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Oui, alors il existe une très vieille édition belge des années 1860 qui contient Perceval, les 3 premières continuations dans leur intégralité et des extraits de la 4e. Mais bon, elle date des années 1860, donc elle est pas forcément nécessairement très fiable. La plus importante édition moderne des continuations, c'est celle de William Roach, publiée à Philadelphie par l'American Philosophical Society entre 1949 1939 et 1983, je crois. Oui. Il a édité les trois versions de la première continuation dans trois volumes, la deuxième continuation et la troisième, mais il a omis la quatrième. Mmh. Il faut noter aussi une édition chez Champion de la quatrième, donc seulement le texte de la quatrième continuation qui a été publiée en trois volumes en 1922, 25 et 75, donc avec un assez large intervalle. Et une édition chez Drott, cette même quatrième édition. Plus abordable chez nous, vous pouvez trouver la première continuation dans une édition lettres gothiques, mmh. Avec traduction en français à côté. Et de même pour la troisième continuation, pas chez lettres gothiques mais chez Champion dans leur texte bilingue. Vous avez une édition également disponible. Par contre, effectivement, pour la deuxième et la quatrième continuation, c'est un peu plus pauvre. Vous avez, je crois, pas de traduction du tout de la quatrième en français et une traduction publiée avec la troisième de la deuxième continuation assez vieille également. Par contre, il existe un gros volume publié par Brewer, par Des Brewer, dans leur série Arthurian Studies, qui contient en fait l'histoire complète du Graal. C'est le titre du volume The Complete Story of the Grail, qui a été traduite par Nigel Brown en se basant sur les manuscrits... sur la variété de manuscrits édités par Roach, aussi bien pour Perceval, qu'il a aussi édité d'ailleurs, Roach a aussi édité Perceval, et les trois premières continuations, ainsi que sur l'édition publiée par Champion de la continuation de Gerber, donc celle de Mary Williams et Marguerite Oswald. Et cette édition, cette traduction de l'intégralité, est disponible seulement en anglais, dans un volume qui est assez imposant et assez cher, mais disponible également en e-book pour moins d'une vingtaine de francs, et bientôt publié, je crois, en avril prochain, en couverture souple, pour à peu près le tiers de son prix actuel, qui est de 80 francs quand même. Donc si vous voulez avoir accès à toutes les continuations à la suite, dans une langue plus ou moins lisible aujourd'hui, ça sera malheureusement l'anglais, et ce sera malheureusement cette édition-là seulement. Donc il faut peut-être souligner que c'est tragique, mais justement, ce genre d'édition-là, ça n'existe pas en français. On n'a pas une édition de toutes les continuations en français, voilà. Bilingue. Je crois que c'est la même chose pour la Vulgate, d'ailleurs. Il n'y a pas encore d'édition qui soit relativement complète de la Vulgate en français, à part celle il y a celle de la Pléiade, mais je crois que c'est à peu près tout. En termes de français moderne, en tout cas. Donc voilà, c'est cette édition de Nigel Brown qui se base d'ailleurs sur les manuscrits de Roach, dont on a mentionné avant. Les manuscrits de Roach sont la référence, en fait. L'édition française dont on vous a mentionné avant, de la première à la troisième, utilise aussi ceux de Roach comme base de l'édition. Donc c'est vraiment la référence. Bon, il a passé littéralement la moitié du XXe siècle à les éditer, donc probablement qu'il s'y connaît un petit peu. Et vous pouvez lire justement les premiers volumes pour la première à la deuxième continuation de Roach sur le HathiTrust sur Internet. Oui, c'est le site qui rassemble les livres digitalisés par Google Books, archive.org et d'autres sites, par les universités américaines. Enfin, en gros, un grand nombre d'universités américaines se sont mis en commun pour former ce site. Et l'avantage, c'est que contrairement à Google Books ou archive.org, vous n'avez pas seulement accès intégral aux livres qui sont hors de copyright, mais vous avez accès à des livres qui sont toujours sous copyright, dont cette édition justement de Roach qui date de la deuxième moitié du XXe siècle, que vous pouvez accéder dans sa quasi-totale intégralité, en tout cas pour ces textes dont on va vous parler aujourd'hui. Donc c'est vraiment un outil assez intéressant, même si vous n'êtes pas membre de cette université. Bon, ça reste le texte en vieux français, donc c'est clair que si ça vous est pas accessible, ça vous fait une belle jambe. Mais effectivement, ça peut être vachement pratique si vous voulez retrouver un passage ou quelque chose. Et c'est de loin le meilleur matériel secondaire que vous avez, parce que c'est le plus complet, disons. Il y a une longue discussion de tous les manuscrits, de ceux dont il a utilisé, des résumés, des premières et deuxièmes continuations en tout cas. Il y a des longs résumés où il découvre vraiment un épisode, et ça, je pense, c'est vraiment très utile, si vous lisez l'anglais justement, d'avoir ça pour attaquer ces textes qui sont quand même très longs. Donc nous, pour le coup, on va se baser essentiellement, pour ma part, sur cette version de Brian qui traduit Roach. Laïs, tu as utilisé d'autres versions. J'ai lu une édition désastreuse de Henri de Brielle qui précise même pas sur quel manuscrit. Enfin, c'est une catastrophe. Il précise même pas de quel manuscrit. Je suis même pas sûr complètement de quelle rédaction c'était, donc c'est pas très intéressant. Non, moi j'ai vraiment lu un peu à droite à gauche l'édition Roach et tout, donc j'ai un peu rapiécé ce que j'avais sous la main. C'est pas forcément la meilleure approche. Mais c'est possible aussi, disons, il y a différentes approches possibles selon ce qui est à votre portée. Un petit mot peut-être avant de commencer à parler des continuations sur les dates de celles-ci, parce qu'elles n'ont pas effectivement toutes le même âge en fait. La première continuation suit d'assez près Chrétien, probablement écrite au cours des années 90, 1190. Dans la fin du XIIe siècle. Ouais. Parce que Chrétien, on le sait, doit écrire avant 1191, ce qui est la mort de Philippe de Flandre qu'il mentionne dans son ouvrage, devant le siège de Saint-Jean d'Acre. La deuxième continuation, elle, date probablement des premières années du XIIIe siècle, parce qu'elle mentionne comme défunt le comte de Poitiers, et le comte de Poitiers, pendant 30 ans à la fin du XIIe siècle, c'est Richard Coeur de Lion. Donc, C'est certainement à lui que ça fait référence et ça nous permet de dater plus ou moins l'ouvrage. Les troisième et quatrième, enfin, les Manessier et Gerbert, puisque c'est beaucoup plus tardif, un peu moins ambigu, sont beaucoup plus tardives, elles datent à peu près, enfin, beaucoup plus. Quand même une vingtaine d'années plus tard, elles doivent probablement, succéder, enfin, être, elles sont probablement ultérieures à, la Vulgate en prose, donc au Lancelot Graal, puisqu'elles reprennent des épisodes, à la fois du Lancelot Graal et de Perles Vos aussi d'ailleurs. Donc plus probablement, années 1220-1230, par là. Voilà donc pour ce qui est des dates, ce qui explique aussi peut-être qu'on va pas vous parler tout de suite de ces trois, de ces troisième Manessier et de cette continuation Gerbert avant d'avoir parlé en tout cas de Perles Vos et de la Vulgate, d'avoir commencé à discuter de la Vulgate. Mais elles sont aussi très intéressantes parce qu'elles offrent vraiment une perspective dont le public médiéval pouvait comprendre l'histoire du Graal. C'est celle qui donne le plus de réponses finalement sur le Graal quelque part. D'une certaine manière. Aussi, il faut noter que justement, comme la première continuation a plusieurs rédactions, justement, ça a donné trois volumes de l'édition Roach pour les trois rédactions différentes, enfin, et même différentes suivant les manuscrits, même suivant les mêmes familles. Elles ont probablement qu'il y a eu la version courte d'abord à la fin du XIIe siècle, et probablement que les remaniements, c'est au tout début du XIIIe siècle. C'est ultérieur, en quelque tout cas, chose, effectivement. Quelque chose dans ces eaux-là. On peut jamais être complètement définitif, mais d'après les indices, c'est ce qu'on aurait comme chronologie plausible. Donc on est très proche de Chrétien de Troyes et en fait on commence littéralement on suit les mots de Chrétien finalement qui termine qui ne termine pas son œuvre mais qui dont l'œuvre se conclut par l'arrivée de ce messager de Gauvin à la cour d'Orcagny où Arthur tient sa cour justement pour les inviter à venir assister au combat de Gauvin contre Guillaume Élan, l'évanouissement du roi, la dame Laure qui voit le roi s'évanouir et qui va rapporter l'événement à la reine. Et Chrétien termine, et quand la reine la vouette, s'il lui demande ce qu'est la vouette, et justement, la première continuation, qui parle beaucoup de Gauvin, qui parle surtout de Gauvin, va reprendre directement avec ce que Laure dit à la reine. Donc, justement, on arrive à ce moment-là où un messager de Gauvin est arrivé à la cour, et la nouvelle commence à se répandre, et la cour va se mettre en mouvement pour aller voir le combat de Guillaume Élan contre Gauvin. Donc vous vous rappelez, c'est un combat qui avait été planifié à la fin du Conte du Graal, et Guillaume Élan avait demandé, envoie chercher le roi Arthur pour qu'on ait des témoins pour ce combat, pour que ce soit un combat légitime. C'est ce que Gauvin fait, et c'est ce qui se passe. Il y a un combat sanglant qui se passe. Il faut le dire, il y a une tonalité assez différente dans le premier continuateur, où justement, lui, il aime beaucoup les combats. Les combats qui se passent. La charcutaille, tout ça, il adore. Alors que Chrétien, justement, dans le personnel, il nous disait, on n'a pas trop le temps, un mot en vaut 20, c'est pas si intéressant que ça. Il l'a battu et puis voilà. Là, les continuateurs vont être beaucoup moins sceptiques vis-à-vis de la chevalerie entre guillemets terrestre que l'était Chrétien et ils vont être beaucoup moins, disons, peut-être leur misogynie est un peu moins subtile que celle de Chrétien. Ils sont généralement moins subtils que Chrétien en général. Hein, c'est pas seulement limité à la misogynie. Mais on voit quelque chose d'assez disjoint. Si vous les lisez vraiment à la suite, vous vous rendez compte, ok, il s'est passé quelque chose et puis on n'est plus du tout dans la même unité narrative. On n'est plus du tout la même vision qu'on avait. Et je pense que c'est assez révélateur dans ce qu'on nous dit de Guillaume Élan et du combat qui va se passer. Avant ça, je vais peut-être vous décrire justement les six parties de la continuation, qu'on appelle parfois des branches, mais généralement plutôt Roach parle de section. Les gens n'aiment pas forcément le terme de branche, qui est un peu trop poétique. La première section, c'est celle qui conclut littéralement le Conte du Graal. Donc le combat contre Guillaume Élan est le début d'autres aventures de Gauvin. Il trouve un château avec un corps, et puis son premier passage au château du Graal. On va vous en parler tout de suite. La deuxième section, c'est celle de Brin de Branlan. Donc on nous dit, maintenant qu'on a réglé le problème avec Guillaume Élan, il reste un seul de ces seigneurs des îles. On vous a beaucoup parlé de ces seigneurs des îles la dernière fois. Mais il en reste un seul qui ne s'est pas soumis et qui ne paye pas hommage à Arthur. C'est Brin de Branlan. Donc on va aller l'assiéger et finalement le vaincre. La troisième branche n'a rien à voir. Elle a tellement rien à voir qu'en fait, elle a été éditée à part dans ce volume chez Lafont de la collection bouquins qui s'appelle La Légende Arthurienne. Ils ont édité en tant que le livre de Caradoc. En fait, c'est une histoire qui concerne Caradoc, ou Carados plutôt, qui est le fils de Caradoc. Mais dont on appelle Caradoc le premier Carados aussi, pour rien faciliter. Et en fait, on apprend justement, ça parle de sa parenté, on apprend qu'en fait, il est le fils d'un enchanteur qui avait trompé son père, et pendant la nuit de noces de son père et sa mère. Effectivement, parlons. Avait couché avec sa mère et donc l'avait engendré, et donc c'est son père biologique. Ce livre est connu surtout parce que c'est là qu'on voit pour la première fois peut-être une de ces scènes d'échange de décapitation où un chevalier dit vous êtes pas capable de me décapiter, mais si vous me décapitez, dans un an, c'est moi qui vous décapiterai. Et donc Caradoc le décapite, un an plus tard, il revient pour décapiter Caradoc, mais finalement, il l'épargne et lui dit, en fait, je suis ton père. Ça démarre des aventures qui n'ont pas grand-chose à voir d'une certaine mesquinerie entre Caradoc et son père biologique, qui n'a pas grand-chose à voir avec Gauvin ou avec le Graal. La quatrième section, c'est celle du château orgueilleux, c'est-à-dire que toute la cour d'Arthur se lance à la recherche de Girflet, qui est apparemment prisonnier, et tout le monde l'a oublié. Donc voilà, tout le monde... Arthur dit, vous l'avez tous oublié, vous avez abandonné votre compagnon. Et moi aussi, d'ailleurs. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc, ah oui, c'est vrai, tiens, on l'avait oublié. Bon, alors, tout le monde se lance à sa poursuite. Mais en chemin, on découvre, en fait, le passé peut-être glauque de Gauvin, un passé honteux de Gauvin. Il se retrouve dans un château où il voit des armoiries qui lui rappellent une famille qu'il avait affrontée, parce qu'il avait couché avec une jeune fille de cette famille. Il dit même, dans certaines, on va justement le dire, suivant les versions, ça change, mais il avait violé cette jeune fille, et il avait tué ensuite son frère, son père, et il était entré dans un combat contre un autre de ses frères. Et finalement, ben, il dit, je peux pas rester ici, ils vont m'affronter, et la suite, c'est le combat, justement, de Gauvin contre Bran de Lys, qui est le dernier survivant, apparemment, de cette famille. La cinquième section, c'est la deuxième visite de Gauvin au château du Graal, qui inclut d'autres épisodes, mais on vous en parlera plus en détail. Mais Gauvin retourne au château du Graal et il commence à découvrir un peu le mystère de cette sainte lance. Et finalement, la sixième section, de nouveau, un peu comme le livre de Cardoc, n'a rien à voir. Cette fois-ci, on suit les aventures de Gaëret. Disons, c'est uni. Le frère de Gauvin. Hein. Le frère de Gauvin. C'est uni par les aventures de Gaëret, mais en fait, c'est un cadavre qui arrive dans une barque tirée par un cygne à la cour d'Arthur. Arthur n'arrive pas à dormir et il le voit. Et il a une lettre sur la poitrine. Il lit la lettre, puis ça nous dit, tiens, il a une arme plantée dans la poitrine et celui qui enlève l'arme de sa poitrine devra le venger. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez disparate. Et comme vous avez remarqué, j'ai pas mentionné une seule fois Perceval parce que, ben voilà, Perceval n'est pas trop là. Il apparaît brièvement, on le verra. Donc, la première section, c'est celle du combat de Gauvin et Guy Romelan qui est sanglant. Et là, on voit déjà la différence avec celle de Chrétien, c'est que c'est Clarissante, la sœur de Gauvin, qui va interrompre le combat. Donc on avait vu la première fois, on vous avait dit dans le Perceval, on a l'impression que l'amour de Guy Romelan pour Clarissant est à sens unique, et on a l'impression que ce mec est louche, parce qu'il avait tué le compagnon de la Malpucelle en parle mal, il disait qu'il n'arrivait à embrasser la Malpucelle que de force, donc il est présenté de façon très négative. Là par contre, le continuateur nous dit « Oh non, en fait, Clarissante, elle est amoureuse de Guy Romelan, et puis voilà, elle veut interrompre le combat, elle se jette entre eux, et elle dit « Ah, laissez-moi, mon frère, laissez-moi l'épouser », et finalement c'est le mariage de Guy Romelan et Clarissante qui conclut le combat, et tout le monde est copain, Gauvin et Guy Romelan vont pouvoir être soignés. » Il faut préciser aussi qu'il y a une scène très très drôle au début, ça m'a fait beaucoup rire. La première continuation a beaucoup de scènes d'humour involontaire un peu. En fait, il y a l'armée d'Arthur qui arrive, qui campe sous les fenêtres du château, du beau château, de cette espèce de château où vivent justement la reine, la mère d'Arthur, sa fille, la mère de Gauvin, qui est d'ailleurs nommée. C'est la première fois qu'elle est nommée par son nom qui viendra le sien, en fait. Elle est nommée Orcades, peut-être par confusion avec l'endroit dont son mari est roi. Le roi Lot est roi d'Orcanie, Orcades en latin, les Orcades en français. Et elle appelée Orcades, ça deviendra Norcades, Morcades et finalement Morgoz. Alors que son nom original, c'est plutôt genre Anna dans Geoffrey, donc c'est assez différent. Donc, les gens qui vivent dans ce château sont terrifiés par l'arrivée de l'armée d'Arthur et croient qu'ils sont tous, ils sont faits, une armée vient nous assiéger. Jusqu'à ce que Gauvin révèle, en fait, qu'il s'agit de l'armée d'Arthur. Il a visiblement dit à personne qu'Arthur devait venir. Ouais. Et Arthur, qui vient, comme d'habitude, traverse le pays avec la moitié de avec toute sa cour, en fait, la moitié du pays, le suit et plante ses tentes dessous, ce qui fait très peur à tout le monde. D'ailleurs, Arthur va au château et puis tout le monde est inquiet parce qu'ils savent pas où il est, donc les gens s'évanouissent. Enfin, oui, la reine manque de mourir parce que Arthur a été faire un tour au château. Il s'est dit, tiens, ma mère est vivante. C'est là que tu vois bien, en fait, vraiment la structure très différente du premier continuateur qui va vraiment, mais surjoue la confusion et l'excitation qui se passe dès qu'il y a le moindre truc. Tout le monde s'évanouit, tout le monde est. Bon, c'était. Tout est mis au niveau 11 dans chaque événement de cette continuation, c'est assez terrible. C'était une dimension qui était aussi chez Chrétien, mais peut-être effectivement moins exagérée. Ah, bah, c'est carrément. Au moins chez Chrétien, généralement, tu comprends plus ou moins la raison. Là, la reine s'évanouit parce qu'on ne sait pas où est passé Arthur, mais enfin, il est quand même. Ils sont censés savoir. Garçon, ils sont censés savoir aussi ils sont pas en train d'assiéger un château maléfique, eux. T'as l'impression qu'aussi, eux, ils croient qu'ils sont en train ils vont se faire attaquer par une armée ennemie à n'importe quel moment. et donc, du coup, le truc, c'est qu'il se passe un événement là qui, dans les plus longues rédactions, qui va envoyer Gauvin un peu loin de la cour pour un moment, puisque le roi Arthur ordonne finalement le mariage de Guy Romelan et de sa nièce. Sans consulter Gauvin, Gauvin avait fait promettre à Guy Romelan qu'il devait, parce que Guy Romelan avait défié Gauvin parce qu'il avait insulté Gauvin, pour je sais plus quelle raison obscure. Je crois que son père avait tué son. Oui, le père de Gauvin avait tué le père de Guy Romelan. C'est ça. Il avait du coup demander Gauvin pour que autoriser le mariage, que Guillaume Land s'excuse. Or, Guillaume Land ne s'excuse pas directement, et Gauvin est furieux contre Arthur pour avoir laissé le mariage se dérouler. Et du coup, Gauvin part, il quitte la cour de rage. On nous dit pendant ce temps en arrière-plan, et c'est là que ça va présager le prochain épisode, que tout le monde rend hommage à Arthur, sauf Brin de Branlant, et que Gauvin, du coup, décide de se barrer et d'aller dans ses propres aventures pour un moment, parce qu'il doit vraiment souffler un coup et penser à lui-même après un incident aussi dévastateur pour sa virilité et son honneur. Oui, le mariage de sa sœur dont il venait d'apprendre l'existence, je veux dire. Il y a toute une série d'épisodes. Il voit d'abord une jeune dame avec un corps. La jeune dame a un corps qui permet apparemment d'invoquer des gens qui vont la servir. Un chevalier vole le corps, Gauvin le tue. Et il rend le corps à la demoiselle, et elle lui donne un anneau magique qui va l'aider au combat. Donc c'est un de ces nouveaux, hein, on va collectionner vraiment les petites amulettes pratiques qui vont servir à pas grand chose après dans ces continuations. Ça dit que ça l'aidera au combat même contre 5 personnes, c'est-à-dire genre même s'il était à 1 contre 5, ça devrait le permettre de tenir la route. Et c'est là qu'on commence à avoir, déjà dans le camp avec Gourmelan, mais aussi dans les issues suivantes, on va commencer à avoir cette idée que Gauvin a une puissance qui va croître et décroître avec le jour. Mm-hmm. C'est-à-dire que sa puissance est à son apogée à midi, et qu'elle grandit depuis minuit jusqu'à midi, et qu'elle, depuis midi, elle va décroître jusqu'à minuit. Alors ça change énormément, les heures changent suivant toutes les versions, même Mallory a une version différente, mais effectivement, on nous dit que pendant le combat contre Guillaume Melan, Gauvin sait que le combat joue à son avantage parce que son pouvoir est en train, sa force est en train de croître, en fait. Il dit, il a l'air de dire que le fait que ça temporise, c'est plutôt bon pour lui. Donc après, encore une autre aventure où il doit se battre contre une série de chevaliers, justement, 4 chevaliers qu'il tue, il en tue 3 puis il en sauve 1, je crois, parce que son amante lui demandait. Il se retrouve dans un château où il est accueilli par un homme, un autre blessé, et vous vous en doutez, c'est la première apparition du château du Graal. C'est donc seulement dans les longues, hein, voilà, pas dans toutes les épisodes. Dans les versions les plus anciennes de la courte, qui d'ailleurs je crois est celle que j'ai lue, il n'y a pas cet épisode du château du Graal là. C'est plutôt malin de le mettre, parce qu'effectivement, si vous le mettez pas, ça veut dire que l'histoire a littéralement rien à voir jusqu'aux 3/4. Donc là, c'est plutôt bien d'avoir une première visite au château du Graal où Gauvin peut, en fait, comme Perceval, échouer. Et alors là, Gauvin, par contre, non, justement, Gauvin n'échoue pas. Gauvin lui demande, il n'échoue pas de la même façon. Oui, il échoue pas de la même façon. En fait, il voit comme Perceval, il voit la lance, il voit les chandeliers, il voit le tailloir d'argent, et il voit le Graal. Et il voit surtout une civière qui porte un chevalier mort, qui tient dans ses mains une épée brisée en deux. Et c'est la première apparition de l'épée qui va devenir très importante ensuite, hein, dans cette narrative. Gauvin, lui, contrairement à Perceval, demande tout de suite quel est ce qui se passe. Par contre, contrairement à Perceval, il n'apprend pas effectivement ce qui se passe, parce que son autre lui dit « Attention, je peux te donner une réponse, mais il faut d'abord que tu me prouves que tu es le meilleur chevalier en réparant cette épée. » En mettant ces deux parties de l'épée ensemble, et si elles sont réparées comme ça, ça veut dire que tu peux apprendre la vérité sur le Graal. Et Gauvin échoue. Son hôte lui dit qu'il va devoir attendre avant d'avoir les réponses, et qu'une fois qu'il aura prouvé qu'il est le meilleur chevalier et qu'il peut rejoindre cette épée ensemble, il apprendra exactement ce qu'il en est. Du coup, Gauvin tombe de sommeil, il s'évanouit mais carrément à table, en fait il s'endort à table, et quand il se réveille, Le château a disparu. Et c'est là qu'il se souvient d'une promesse. Il se souvient là de la promesse qu'il avait faite lorsque la demoiselle hideuse était venue à la cour d'Arthur pour faire honte à Perceval. Il va sauver la dame du château de Montéclair, je crois. Montesclair, ouais. Voilà, et il sauve la demoiselle en l'occurrence. Et il récupère enfin l'épée aux étranges attaches, drôle de baudrier là. Ouais, c'est assez curieux la façon dont qui appartenait on parle de ça. Apparemment à Judas Maccabée dans certaines actions. Et qui aurait été ramené en Bretagne par qui d'autre, Joseph d'Arimathie. Ce qui en fait pousse, c'est entre autres cet incident qui pousse les gens à dire, en tout cas la rédaction longue a été écrite après Robert de Boron, voilà. Parce que c'est lui qui a introduit Joseph d'Arimathie dans l'équation. Et du coup, Gauvin prend l'épée, il obtient donc cette épée, et il décide de se rendre à la cour d'Escavalon, parce qu'il se souvient qu'il avait promis dans un an de revenir, pour se battre contre qu'il ait trouvé la lance sanglante ou non. Alors il y a de nouveau une rencontre avec un autre chevalier, cette fois-ci c'est Dinas d'Arès, pardon, qui avait aussi dont il avait aussi tué le père visiblement. Ils se battent, ils ne parviennent pas à conclure la bataille et décident de remettre le combat à plus tard, et il se retrouve finalement à Escavalon où il explique que il n'a pas pu trouver la lance, donc du coup le duel va avoir lieu entre Gauvin et Guingamp Brésil, donc le vassal du roi d'Escavalon. Sauf que là, Dinas d'Arès arrive et dit « Ah non, non, non, il a promis de se battre avec moi !» Du coup, le roi d'Escavalon consulte tous ses barons et ses vassaux pour décider ce qui va se passer. Est-ce qu'on doit d'abord faire le combat contre Guingamp Brésil? Est-ce qu'on doit faire le combat contre Dinas d'Arès plutôt parce qu'il est plus récent? Est-ce qu'il y a un ordre particulier à respecter? Finalement, il décide finalement le plus simple, d'un point de vue légal, c'est de les faire se battre tous en même temps. Tous contre Gauvin. Et quelques-uns disent « Ah, mais c'est pas très bon du jour. » Ils disent « Ouais, mais la majorité dit qu'ils doivent se battre tous en même temps, donc ils se battent tous en même temps. » Sauf que là, il y a un cousin de Gauvin qui était là pour une raison ou une autre, qui parvient à rejoindre la cour d'Arthur avant que le combat commence, et Arthur arrive à la cour du roi d'Escavalon pour annuler le combat, annuler les duels, et décide de réconcilier tout le monde. Et là, de nouveau, on a une répétition de l'hommage avant, où on nous redit à nouveau, dans les versions longues, et ça permet de remettre le lien avec Brin de Branlan, que Brin de Branlan, lui, refuse toujours de faire hommage à Arthur. Donc c'est assez intéressant, cette conclusion un peu brutal finalement de la longue histoire de la lance sanglante que devait retrouver Gauvin. Bah finalement ouais, c'est pas ça, cette quête finalement dont on s'attendait à ce qu'elle soit importante ne mène un peu à rien pour en tout cas du côté du roi d'Escavalon. Thank you. deuxième section de la première continuation, c'est celle qui concerne Brin de Branlant. Enfin, il y a d'autres épisodes, mais c'est surtout ça. Justement, on nous a dit que ce seigneur, c'était le dernier seigneur des îles de mer qui ne voulait pas se soumettre à Arthur, et on va aller le soumettre. Arthur arrive, il voit que la ville est imprenable, donc on construit 3 châteaux autour pour donner le siège. Et ça se passe plutôt bien, mais il y a Yvain et Gauvin qui voient 2 dames qui sont en train de se lamenter sur les remparts et qui disent qu'elles ont plus de nourriture, elles sont en train de mourir de faim. Et ils disent, on peut quand même pas faire ça, on est des bons chrétiens, on doit quand même leur... Et donc ils vont demander de la nourriture à Arthur, ils l'amènent, ils la leur donnent, et du coup le siège est prolongé de plusieurs années, et du coup... Le siège dure 7 ans en tout, hein. Le texte nous dit que Arthur, au début du carême, renvoie son armée et il la rassemble une semaine après Pentecôte pour continuer le siège. Ouais. Donc pendant 7 ans, il met le siège à ce château pendant toute l'année, quasiment. Ouais. Et le texte nous dit que ils auraient duré plusieurs années de moins si Gauvin et Yvain n'avaient pas été si sensibles aux prières des deux jeunes filles. Et du coup, il y a un épisode où Brin de Branlant attaque Gauvin qui n'est pas préparé et qui se fait plus ou moins blessé. C'est un raid en fait sur les provisions d'Arthur justement pour les chasser loin du château. Et Gauvin, qui est réveillé, n'a pas d'armure mais a juste son bouclier. Il est battu par Brin de Branlant. Ce qui le lance vers d'autres aventures. Ouais, il va, il garde le lit pendant un moment. Une fois qu'il est guéri, il part, il abandonne le siège. Tout le monde lui dit non, mais vous n'êtes pas guéri, faites pas ça. Et il part tout seul et il rejoint, il trouve en fait une damoiselle dans une tente. Et quand elle apprend son nom, elle est immédiatement séduite. Ah, c'est donc bien le. Parce qu'elle lui dit qu'elle avait un portrait de lui et elle lui dit qu'elle a un portrait de son ami, enfin de la personne dont elle est amoureuse. Et lui, il voit son portrait et il réalise que c'est un portrait de lui en fait. Ouais. Et donc dès qu'elle comprend que c'est lui, elle est très très séduite. Et ce qui est un peu bizarre, qu'elle ait un portrait de lui, qu'elle en soit tombée amoureuse, mais qu'elle ne le reconnaisse pas, mais qu'elle continue à être amoureuse quand elle réalise que c'est lui. Enfin, c'est assez compliqué, hein. Mais du coup, l'amour de la demoiselle. Il bâtit folle, et puis ça va poser problème avec les membres masculins de sa famille. C'est-à-dire oui, parce que son père, un de ses frères, apparemment débarquent et voient ça, ils sont scandalisés. Comment? Mais vous n'êtes plus pucelle, mais qui est responsable? Oui, parce que le texte nous dit clairement qu'elle a perdu le nom de pucelle, de maiden, de pucelle, et pour celui de dame ou de femme. Et c'est là qu'arrive. Alors, c'est assez confus selon les versions du manuscrit auquel on regarde. Le père de la demoiselle, qui s'appelle Norway du Lit, en tout cas, dans cet épisode-là, arrive, elle lui dit « je ne suis plus une pucelle » et bon, mais qui est responsable de ça? Elle lui dit « Gauvin ». Et il décide donc de rattraper Gauvin qui était déjà parti, après l'avoir laissé enceinte, hein, nous dit le texte quand même, attention. C'est là que c'est confus parce que selon certaines versions et dans la traduction que j'utilise, il lui dit que Gauvin a tué son propre frère. Et Gauvin effectivement désarçonné un certain Mélian de Lys. Il y avait un tournoi de Mélian de Lys dans le Perceval de Chrétien. Voilà, et il l'a désarçonné et il ne précisait pas qu'il était mort, mais enfin d'accord, c'est peut-être Mélian de Lys. Sauf que plus tard on le verra, le père de la jeune fille qui est appelé par un autre nom fait référence à Mélian comme son fils. Donc en fait il y a une certaine confusion, est-ce que c'est son fils, est-ce que c'est son frère. Mais donc généralement il y a le père de la demoiselle qui se bat contre lui, puis un frère de la demoiselle qui se bat contre Gauvin. Alors et le père Gauvin est tué, mais Gauvin épargne le frère. Non, Gauvin tue aussi le frère, et puis ensuite il combat contre le deuxième frère. C'est là qu'il y a différentes versions, parce que dans ma version en tout cas, aucun deuxième frère n'est mentionné immédiatement. On sait juste qu'il a tué le premier de Lys. Ouais. Et que après il se bat juste contre Bran de Lys, qui est le deuxième frère. Ça va poser un problème parce que en fait, cet épisode va être raconté plus tard par Gauvin de différentes manières aussi. On le verra dans un moment. Et Gauvin le raconte de différentes manières. Mais en tout cas, il entre en conflit avec la famille de Lys parce qu'il a couché avec cette demoiselle. Et il reste juste à la fin, peu importe qui il tue en ce moment, mais il reste juste Bran de Lys, le frère de la demoiselle, et elle-même. On peut juste présager de plusieurs événements qui vont s'en suivre. Alors la demoiselle est enceinte, donc elle va avoir un enfant. Et Gauvin va devoir se battre contre le frère restant de la famille de Lys, Bran de Lys, qui est apparemment assez terrible. Il faut préciser aussi que Gauvin à ce moment-là est très mal en point parce que la blessure qu'il a souffert contre Bran de Branlant s'est réouverte en fait. Mm-hmm. Et donc c'est pour ça que Bran lui accorde un sursis et qu'il devra se battre devant témoin avec lui dans quelque état qu'il le trouve, hein, armé ou désarmé, dans le futur. Il dit « dès que je te trouve, on commence à se cogner dessus, on peu se importe quand ça serait. Voilà. » Boxeur des rues. Exactement. Ce qui nous amène à la troisième section, sans transition, littéralement sans transition, elle n'a rien à voir. C'est le livre de Caradoc, comme il a été traduit dans les éditions Rémy Boller, cette collection un peu disparate qui s'appelle La Légende Arthurienne. Donc c'est l'histoire de Caradoc qui Bon, alors on l'a dit, il y a un chevalier qui arrive à la cour d'Arthur et il dit « Personne n'est capable de me décapiter parce que après, dans un an, je vous décapiterai. » Caradoc se porte volontaire, il lui coupe la tête, le type ramasse sa tête et dit « Bon, ben, on se retrouve dans un an et c'est moi qui te couperai la tête. » Et tout le monde est triste parce qu'ils aiment bien Caradoc. Mais bon, c'est un bon chevalier. Alors, un an après, il se présente pour respecter son engagement et il se prépare à se faire trancher la tête. Mais finalement, il lui dit « Ah, c'était une blague, je vais pas te couper la tête. » Et en fait, « Je suis ton père. Je m'appelle Eliavres. Je suis un enchanteur. » Et en fait, là, il y a un thème de zoophilie qui est assez prégnant dans cette partie de la continuation. Oui, faut préciser qu'on a commencé cette partie de la continuation peut-être par le mariage de la nièce d'Arthur, Isave de Carhaës, qui est donc une autre sœur de Gauvin, ou je sais pas si c'est censé être une sœur de Gauvin ou une cousine de Gauvin, avec le premier Carados, premier du nom, le roi de, alors ça dépend des interprétations, mais il est roi autour de Vannes, de Nantes. Gaune, Vannes. Vannes va être souvent retenu jusqu'à Camelot, hein. Et c'est là qu'on nous dit pour la première fois que on parle de ce magicien, même si effectivement la surprise après intervient quand même lors de l'épisode de décapitation, et que le magicien a fait croire au roi Carados de Vannes qu'il couchait avec sa femme, alors que pendant que lui était en train de coucher avec elle, contre son gré, parce qu'il nous dit qu'il prend l'apparence de Carados, mais que lui, il lui fait croire qu'il est en train de coucher avec sa femme, alors qu'il est en fait en train de coucher d'abord avec une... Avec une truie. Jument et avec une lèvrette, donc une chienne. Et donc, c'est un peu le... Pendant trois nuits, hein, donc... Pendant trois nuits de suite, en fait, il a donné à des animaux l'apparence de sa femme. Caradoc est un peu scandalisé par ça, il dit « Non, mais vous dites n'importe quoi », mais il le croit apparemment parce qu'il dit, il raconte ça à Caradoc Ier, à son père, même si pas biologique son père, il lui raconte ça, et il dit « Bon, il faudrait qu'on punisse votre mère », alors il dit « Non, mais soyez pas trop méchant, enfermez-la juste dans une tour ». Et donc, Isave, la mère de Caradoc, est enfermée dans une tour, mais ça va pas être un obstacle qui va retenir Eliavres, parce que grâce à ses connaissances en magie, il va pouvoir s'introduire dans la tour pour continuer sa relation avec la reine. Faut préciser que, alors qu'elle était pas spécialement précisée comme consentante au début, là, d'ici là, elle semble avoir décidé de complètement du côté d'Eliavres et de vraiment tomber amoureuse de lui et de considérer son fils comme un traître, quoi. Il disait que c'était par métamorphose qu'il avait couché avec elle, mais là, apparemment, elle est consentante. Puis donc, il introduit dans sa tour des harpistes, des jongleurs, des joueurs de vielle, et du coup, il y a les gens aux alentours qui se plaignent que c'est la foire dans cette tour et que toute la nuit, on entend du bruit. Donc Caradoc monte la garde devant la tour pour attraper Eliavres et il arrive. Et le roi, pour bien se venger, le fit coucher de force avec une lèvrette puis avec une truie. Et pour se venger avec l'éclat, il lui fit couvrir une jument. Et du coup, l'enchanteur engendra trois animaux. Un gros sanglier appelé Tortin, avec la jument un grand cheval de combat qui s'appelait Loriagort, et avec la lèvrette un grand lévrier qu'on appelait Gwynaloc. Tortin, ça m'a peut-être fait penser à... Twirtur, le sanglier. Le sanglier que le Arthur gallois combattait. Mais en tout cas, voilà. Donc, apparemment, une vision de la biologie un peu bizarre. Peut-être c'est passé un enchanteur. Mais cette mesquinerie va faire qu'il va vouloir se venger contre Caradoc le jeune. Et il va deviser avec Isave une espèce de vengeance où elle va lui dire, dites-lui d'aller dans votre placard. Et puis il y aura un serpent qui va se jeter sur son bras, le mordre et serrer son bras, en fait, broyer son bras. Et lui donner du poison dedans. Et lui donner du poison dedans. Et il dit, apparemment, c'est irrémédiable et il va le tuer. Précisez peut-être entre temps que parmi ses aventures, Caradoc, le fils, donc, s'est marié avec, s'est tombé amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Guignée, qu'il a sauvée dans une succession d'aventures et dont il est vraiment tombé amoureux à la suite d'un tournoi dans lequel il a triomphé en se battant notamment aux côtés de ses amis il s'est fait des amis Cador, Alardin qui essaie d'emprisonner Guignée, c'est assez compliqué. Il a battu Gauvin jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait il se battait contre Gauvin avant de décider d'arrêter. Et au terme de ce tournoi, on nous dit aussi que Perceval participe au tournoi et qu'il s'est marié avec une demoiselle que Caradoc avait rencontrée jusque-là. Et c'est la seule mention de Perceval de toute la première continuation. Le petit caméo. Merci d'avoir participé, Perceval, en tout cas. Et donc, du coup, Caradoc revient, tout amoureux de Guignée qu'il est, revient chez sa mère. Elle lui dit, va voir dans le placard, il se fait attaquer par ce serpent, ça lui broye le bras. Mais après, en fait, Eliavres et Isave ont des remords, parce qu'ils disent, bon, quand même, c'est notre fils, peut-être qu'on n'aurait pas dû le tuer. Puis elle dit, mais est-ce qu'il y aurait un remède possible pour le sauver? Et Eliavres se dit oui, il y aurait peut-être une possibilité, c'est si Caradoc se mettait dans une cuve de vinaigre et qu'il y avait une femme qui se mettait dans une cuve de lait. La plus belle des femmes. La plus belle des femmes se mettait dans une cuve de lait. Nue. Nu, le serpent sauterait sur le sein de la femme pour échapper à l'acidité du vinaigre et attiré par le lait, le sein, il mordrait le sein et il faudrait juste couper le sein. Donc, ils font exactement ça, c'est-à-dire Cardox se met dans une cuve de vinaigre, Guigné se met dans une cuve de lait et Cador qui a son épée prêt à trancher... Le frère de Guigné, donc. Hein. Le frère de Guigné qui est prêt à trancher le téton de sa sœur dès que le serpent a sauté dessus. Enfin, à la base, il est censé trancher le serpent. Ouais. Le serpent réussit à mordre le téton et à prendre un bout du téton. Il tranche le téton et du coup, ben voilà, Guigné accepte ce sacrifice, en fait, pour l'amour de Caradoc. Et son amour et sa fidélité à Caradoc vont être confirmés par un autre épisode de la fin, de la continuation, qui est peut-être le dernier truc qu'on peut remarquer du livre de Caradoc. C'est l'épisode du corps qui vient, en fait, on n'en a pas parlé, mais du lait du corps. Robert Biquet, qui écrit un lait anglo-normand, où il parle d'un corps dans lequel les gens boivent. Et en fait, si vous êtes fidèle, vous arrivez à boire sans en mettre partout, mais si vous êtes infidèle, bah vous en mettez absolument... Enfin, si votre femme... si votre relation n'est pas complètement fidèle, après, il y a des variations, c'est un motif qu'on connaît, en fait, les tests de chasteté. C'est-à-dire, si votre couple est bien un couple fidèle l'un à l'autre, et bah vous arrivez à boire proprement, et sinon, bah vous en mettez partout. Et là, on a une redite de cet épisode où tout le monde en met partout, tout le monde est ridiculisé, sauf Caradoc et Guigné, en fait, qui sont les seuls fidèles, ce qui déclenche la jalousie de tout le monde, en fait. Surtout de la reine, en fait. Surtout de Guenièvre, qui est assez venimeuse. C'est des motifs qu'on trouve un peu partout aussi. On aura le mantel motaillé. C'est un peu la même chose, mais c'est un manteau qui ne va que à ceux qui sont que aux dames fidèles et qui sera repris en allemand Der Mantel, notamment. Faut aussi préciser que avant la fin de l'épisode, Caradoc parvient à retrouver Alardin, qui est donc son compagnon qui avait d'abord enlevé Guigné, avec qui il était ensuite devenu meilleur pote. Il obtient d'Alardin un bouclier dont le lambon, enfin le centre du bouclier en or, peut restaurer des blessures. Et en fait, il utilise le lambon du bouclier pour restaurer le sein de Guigné et donc créer un téton en or. Un téton en or. Voilà, qu'il couvre avec une espèce de cache, visiblement. Il lui dit, oh, mais vous devez le montrer à personne sauf à moi, parce que ce sera la preuve. Enfin, en gros, il lui dit, vous devez le montrer à personne sauf à moi, parce que c'est la preuve que vous êtes fidèle à moi. Et dans une rafraîchissante différence avec beaucoup de textes de chrétiens, il n'y a pas d'ambiguïté après ça. Guigné et Caradoc vivent heureux jusqu'à la fin des jours. Plus ou moins. Donc c'était cette parenthèse un peu bizarre peut-être par rapport au reste des histoires du livre de Caradoc. Donc on a quand même des aventures assez hautes en couleur, de la métamorphose, de la zoophilie, de la fidélité, des tests de fidélité, donc ce motif du corps dans lequel seuls les amants fidèles peuvent boire. Assez intéressant, mais c'est pratiquement une romance à part, en fait. Ça pourrait être un texte à part, pratiquement. C'est tout à fait ça. Il y a quasiment pas de... Je crois que la différence se fait vraiment brusquement entre la fin de l'histoire de Gauvin avec la famille de Lys et ce saut justement à la cour d'Arthur où la reine où la nièce d'Arthur se marie. C'est important parce que c'est la cour d'Arthur, c'est la nièce après tout, même si elle est visiblement une traîtresse et elle est prête à causer la mort de son mari et de son fils par amour pour un enchanteur. Il faut aussi peut-être intéressant cette espèce d'ambiguïté par rapport à l'enchanteur qui est un peu un écho finalement de la tradition de la naissance d'Arthur, finalement. Mm-hmm. C'est un écho un peu... On voit des espèces d'échos déformés de ces motifs qu'on commence à connaître maintenant, qu'on a vu à plusieurs endroits. Ça évoque effectivement l'union, pardon, du Ter et de Guerne. Donc c'est assez intéressant de voir ça, mais tourner sur sa tête et considéré comme complètement maléfique, quoi. Ce qui nous amène à la quatrième section de la première continuation. On va essayer d'aller un peu plus vite pour certaines de ces parties, mais là, il y a des éléments qui sont quand même intéressants. On pourrait l'appeler le château orgueilleux, où on va revoir en fait le conflit de Gauvin avec la famille de Lys ressurgir parce que il va retourner sur leur chemin alors que le roi Arthur lance sa cour dans la quête. Alors c'est un peu compliqué, je sais, il y a trois histoires imbriquées les unes dans les autres, mais le roi Arthur va chercher Girflet qui avait été oublié et abandonné prisonnier au loin au château orgueilleux. Oui, alors c'est en fait ça commence avec Arthur comme d'habitude qui est un peu pensif et dramatique et il se retire un peu de la cour et tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Arthur? Et Arthur décide de faire un grand festin à la Pentecôte à Carduel pour donner des riches cadeaux à tous ses suivants. Le truc, c'est qu'au festin, au lieu de leur donner des cadeaux, il les engueule, mais il leur donne vraiment un truc en disant « Traître, traître, tout autant que vous êtes !» Et moi aussi, je suis un traître, parce qu'on a oublié Girflet. En fait, ça commence, ça escalade vraiment avec... il fait la gueule, Gauvin dit « Mais tout le monde est en train de s'amuser, sire, vous pouvez... » Il envoie un message pour lui demander qu'est-ce qui va pas. Il dit « Mais c'est parce qu'on m'a déshonoré, on m'a trahi. » Le message revient, les gens commencent à s'échauffer. Quoi, on aurait trahi Arthur? Il décide « Bon, on va envoyer des gens diplomatiques pour discuter avec Arthur parce qu'il s'est retiré dans sa chambre. » Gauvin va avec Yvain et, je crois, Bohort toquer à la porte. Et là, on lui refuse l'entrée et il dit « On m'a jamais refusé l'entrée dans la chambre de mon oncle. » Et du coup, il tape sur la porte tellement fort qu'il la défonce. Et du coup, il arrive devant Arthur et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Arthur dit « Effectivement, j'ai dit que vous étiez traître. » Et puis il dit « Oui, mais il y a des gens qui sont... » Il y a des gens qui sont prêts à se battre contre Arthur, à vraiment physiquement affronter le roi. Et il dit « Moi, j'ai aucun problème à tous vous prendre, je vous affronte tous, parce que vous avez tous déshonoré tout le monde, parce que on a oublié Giroflée. » Et Giroflée, en fait, avait promis qu'il irait au château orgueilleux, si vous vous souvenez. Alors, on dit que c'est 4 ans auparavant. Donc ça veut dire que c'est 4 ans après le défi de la pucelle hideuse, la demoiselle hideuse qui a suggéré l'aventure où Giroflée s'est rendu, a été fait prisonnier. En fait, c'est un peu confus pour le temps parce qu'il s'est passé au moins 7 ans vu qu'il y a le siège de Branlan entre-temps. Mais enfin bon, voilà ce qui en est. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait vraiment aller sauver Giroflée. Donc Arthur décide d'assembler un petit équipage d'une quinzaine de chevaliers, pas plus, pour aller sauver Giroflée. Explicitement, il dit « on peut pas être plus ». Et ils vont finir. Alors bon, il y a toute une aventure, il y a toute une série d'aventures qui vont les amener à rencontrer Idir le Bel, qui les reçoit chez lui pour une soirée, mais à qui Arthur refuse l'honneur de les accompagner au château orgueux parce qu'ils sont déjà trop. Et le lendemain, ils suivent une équipée de chevaliers jusqu'à un château vide, mais rempli de nourriture. Il y a des sangliers par centaines sur des plateaux. Sur des Graals, d'ailleurs. Sur des Graals. Il nous dit, d'ailleurs, oui, c'est ça ce qui est intéressant. Le texte nous dit bien que ça s'agit de Graals. Donc vous pensez que, ça va avoir un rapport avec. Non, pas du tout. C'est vraiment l'usage. C'est vraiment une preuve, justement, précisément l'usage assez courant de Graals. Sur des Graals, effectivement, des grands. Donc des plats qui peuvent tenir une tête de sanglier, visiblement. Donc c'est Gauvin qui découvre ce château, qui retourne avec tout l'équipage, tous les guerriers d'Arthur et Arthur. Et Gauvin, alors qu'ils s'apprêtent tous à manger parmi ces sangliers, voit soudain, dans une pièce voisine, qu'il voit par une porte entrouverte, un bouclier qui pend. Sauf qu'il reconnaît le signe sur le bouclier et décide de s'armer. D'un coup, il remet son armure, il prend ses armes et il refuse de manger. Et Arthur lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais pas manger tant que tu me révèles pas ce qui s'est passé et pourquoi tu as tes armes et tu es prêt à te battre ?» Et Gauvin explique qu'en fait qu'il a vu sur le bouclier les armoiries de Brandelys. Mmh. Brandelys, vous vous souvenez, c'était l'homme dont il avait couché avec la sœur. Il avait d'ailleurs il a mis enceinte la sœur de Brandelys. Il a tué le père de Brandelys. Et on comprend aisément qu'il soit assez prêt à s'armer parce que Brandelys lui avait promis qu'il se battrait avec lui, quel que soit l'état dans lequel il le trouve. Et ça sonne un peu comme un piège. Effectivement, ce château vide avec plein de nourriture. Sauf que là, il y a un truc assez intéressant qui se passe, c'est que ça dépend des versions. Dans les versions courtes, il raconte effectivement ce qui s'est passé comme on l'a vu avant. Dans les versions longues, en revanche... Il dit qu'il a violé la demoiselle de Lys. Il dit qu'il a violé la demoiselle de Lys. Il ne dit pas la même histoire où on l'a vu de portrait. Baiser, de portrait. Il dit juste qu'il lui a pris des baisers et qu'il le refusait. Et là, c'est très clair, il l'a violé. C'est vraiment assez cru, hein. Le texte est très très explicite et Gauvin semble vraiment regretter l'action. Elle se met à pleurer, etc. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Il parle des fleurs. Il la trouve qui dort et il l'embrasse pendant qu'elle dort et après il se force, il la force à avoir un rapport sexuel et puis après, bah, justement, il dit qu'elle a tué. Et là, c'est là qu'il y a la confusion parce qu'après il dit qu'il a tué effectivement le père et son fils. Donc c'est d'où la confusion entre est-ce qu'il a vraiment tué le fils ou est-ce qu'il a tué le fils avant. Enfin, Mélian de Lys, on l'a vu. On en a discuté avant. Et c'est intéressant, là, cette espèce de dichotomie. Je pense que ça vaut la peine qu'on reste un petit peu dessus, parce que est-ce que ça reflète simplement une différence de perspective? On pourrait s'attendre à ce que, si, comme Perceval, plutôt dans le Conte du Graal, le chevalier devait être coupable de viol, on pourrait s'attendre à ce que l'auteur fasse un commentaire ironique en disant que le chevalier ne se rend pas compte pendant l'événement qui se déroule, mais quand il le raconte après, il dit « Ah, mais tout s'est bien passé, c'était super », et qu'en fait, la vérité soit dans la différence entre les deux, soit précisément dans les actions objective que relate le narrateur. Or là, c'est l'inverse. Le narrateur, plus censément objectif, hein, extérieur en tout cas, relate le rapport comme consensuel, alors que Gauvin, lui, parle d'un viol. Alors pourquoi il parle d'un viol? Ça a donné naissance, évidemment, à pas mal de débats philologiques, littéraires. Dans le résumé, il y a un argument qui me paraît assez intéressant, c'est l'idée que Gauvin ici ment pour préserver l'honneur de la jeune fille, parce qu'elle est très très jeune, elle est censée être assez jeune quand même. Alors, on nous dit plus tard qu'elle a même pas 20 ans, quand on la revoit, qu'elle a même pas 20 ans, et ça se passait 5 ans avant, donc elle aurait moins de 15 ans. Donc elle est très jeune, même pour l'époque, hein, les femmes se mariaient pas aussi jeunes qu'on peut le penser en général, bon, dans la noblesse certes, assez jeune quand même, mais c'est assez jeune, Gauvin a pas une conduite effectivement très honorable en premier lieu, donc peut-être que pour excuser les actions de la jeune fille, pour pas la déshonorer plus loin, il décide de prétendre qu'il l'a violée. Bon, ce qui reste très déshonorant comme... Ce qui reste très déshonorant pour le chevalier, mais comme pour, évidemment pour un homme... Pour la demoiselle aussi. Pour la demoiselle aussi, mais moins quand même. Elle semble... curieusement, elles ne sont pas du tout affectées par ça. Contrairement d'ailleurs à des jeunes filles qui ont des rapports sexuels comme ça, ou des aventures déshonorantes qui leur arrivent, typiquement le chevalier qui jette du vin sur Guenièvre ouais. au début du conte du Graal et ça déshonore Guenièvre complètement. Là, pour le coup, il n'y a pas tellement de déshonneur impliqué par le viol qui est censé avoir été commis par Gauvin. Alors après, peut-être qu'effectivement, c'est dû à une confusion de manuscrits et que Gauvin, dans une version dans une version plus ou moins différente, violait effectivement cette jeune fille, ce qui est aussi possible. Gauvin a beau être un personnage assez positif assez tôt dans les romances, c'est l'époque où il devient quand même un personnage un peu plus négatif. Mais c'est vrai que c'est assez confus. Le texte tel qu'il est raconté par Gauvin devient extrêmement bizarre parce qu'il dit qu'il viole cette fille, puis le père arrive et il dit « Ah, mais qui êtes-vous? Je vais vous écharper. » Et puis il dit « Je suis Gauvin. » Puis il dit « Mais Gauvin ne ferait jamais ça. Vous êtes un menteur. Vous prétendez que vous êtes Gauvin. » Donc il y a l'idée déjà là que Gauvin, c'est le modèle, c'est le parangon de courtoisie et que jamais Gauvin, il se met en scène dans cette espèce de vision bizarre où même quand il dit son identité, quand il se fait attraper, il ne le croit pas. Et donc on a cette histoire bizarre et c'est là qu'on voit justement quelle différence est-ce que différentes traditions manuscrites peuvent faire et du coup comment interpréter cette histoire. Bah c'est clair que c'est vrai que c'est possible effectivement que ce soit réconciliable avec cette idée que Gauvin mentirait, mais après ça reste comme assez surprenant quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez détaillé, il le raconte de façon très crue, très brutale, et surtout il dit j'ai honte de le raconter, enfin il faut lui tirer des vers du nez pour qu'il le raconte et qu'il le confesse à tout le monde. Donc c'est peut-être un indice aussi qu'il aurait pas raconter la situation si la jeune fille, effectivement, pour préserver le nom de la jeune fille. Mais c'est assez curieux. Enfin, je sais pas trop quoi en faire de ce passage, je vous l'avoue, c'est pas ma spécialité du tout. Non, mais c'est vrai que ça interroge en tout cas. C'est très surprenant en tout cas quand on lit pour la première fois parce qu'on est là. Mais parce que moi je savais qu'il y avait cet épisode censé de viol. D'ailleurs, j'ai utilisé dans mon mémoire où je parlais justement de la situation du conte de la femme de Bath, qui est aussi un des grands célèbres viols arthuriens. Et dans une des sources secondaires que j'en ai mentionné brièvement la première continuation comme un exemple qui aurait pu inspirer, en tout cas dans cette scène littéralement, la scène que Gauvin relate. Et je m'étais dit, ah, mais donc, là, il utilise la scène que Gauvin relate, mais la scène originale doit être assez similaire. Et je m'étais pas pensé plus en avant dessus, et j'aurais peut-être dû. Parce que là, j'aurais vu cette scène, effectivement, ça m'aurait probablement plus surpris. Ça m'a d'autant plus surpris quand je l'ai lu que j'étais dans l'esprit que, ah, mais la demoiselle de la tante, il va le laisser enceinte, il va la violer. Sauf que non. Et c'est ça qui est assez intéressant là. Et vous vous souvenez, bien évidemment, que la jeune fille avait été laissée enceinte. Et donc quand Brandolis va arriver, parce qu'il va arriver évidemment. Et puis bien sûr, il est déçu de voir que Gauvin a son armure, parce que ben voilà, apparemment il est prêt. Il faut dire qu'il rencontre d'abord que, je crois. Oui, il y a que qui essaie d'espionner Brandolis en s'introduisant. Il poursuit un chien d'abord. Il poursuit un chien, il s'introduit vers la compagnie, puis il voit mais il y a une personne d'autre. On est un de trop. Et puis il dit ah, bonjour monseigneur que. J'imagine que le roi ne doit pas être loin et que monseigneur Gauvin ne doit pas être loin non plus. Puis c'est là qu'il se dirige vers lui. Donc ils se battent sur le champ, Gauvin et Bran, jusqu'à ce qu'ils soient interrompus par une jeune demoiselle. La demoiselle rentre dans la salle, elle voit que Gauvin est en train de perdre et elle revient avec un enfant de 5 ans. Donc évidemment c'est 5 ans après. Hein. Et elle dit que l'enfant, donc c'est assez confus pour le temps parce que ça veut dire qu'il s'est passé que l'aventure de Gauvin et la demoiselle d'attente est censée s'être passée un an avant le défi lancé à Girflay. Oui. Donc c'est assez curieux. Ou peut-être que Girflay a mis un certain temps avant d'attendre le château orgueil, ce qui est aussi possible d'ailleurs. Et elle dit à l'enfant de plaider avec Brandolis de ne pas tuer son père. On comprend que l'enfant, c'est le fils de Gauvin. Brandolis donne un coup de pied au gamin. Donc, disons, ils sont en train de se battre et on dit, dans la version courte en tout cas, que l'enfant est en train il est aspergé du sang des combattants parce qu'elle le jette vraiment au milieu du champ de bataille entre eux. Et eux, ils essayent d'éviter l'enfant avec leurs épées, mais le garçon, il sautille et il essaye d'attraper les épées qui lui passent au-dessus de la tête alors qu'il est aspergé de sang. Tout le monde autour est ému par cette vue et dit « Mais arrêtez de vous battre, arrêtez de vous battre !» Et finalement, en tout cas, je crois dans la version courte, c'est Arthur qui interrompt le combat. C'est Arthur, c'est après une première interruption, quand Brandolis donne d'abord un coup de pied à son neveu, et Arthur dit « Non, mais tu devrais pas faire ça, c'est pas très honorable de donner des coups de pied à des gamins. » Ce qui donne le répit à Gauvin pour continuer l'attaque. Et donc, il y a cet épisode, effectivement, de l'enfant qui est envoyé cette fois-ci pour plaider avec Gauvin d'épargner son oncle, d'abord. Et ensuite, effectivement, il y a cette séparation des deux par le gamin qui rit, en fait, en voyant les deux épées brillantes qui le fascinent. Et finalement, Arthur réconcilie Bran et Gauvin. Il passe un mois au château de Lys où, évidemment... Oui, il le réconcilie. Il propose même, d'ailleurs, il dit même à Bran qu'il serait même prêt à devenir son vassal. Oui, c'est comme ça qu'ils arrivent à se réconcilier, d'ailleurs. Il dit que Bran refuse quand même d'être le vassal d'Arthur, qu'Arthur soit son vassal, mais il demande à Arthur de promettre la vassalité de tous les autres chevaliers qu'Arthur a comme vassal. Mmh. Donc, Arthur accepte et finit par partir avec Bran. Donc c'est assez honteux pour Ider, chez qui il était resté juste avant, ouais. Et qui a dit non, il y a plus de place dans le groupe là. Bran, viens avec nous. Plus on est de fous, plus on rit. Ils arrivent finalement devant le château orgueilleux. Et là, heureusement qu'ils ont Bran, parce que c'est Bran qui explique en fait toutes les coutumes de l'endroit. Mmh. Et il y a toute une série de joutes entre les chevaliers d'Arthur et les occupants du château. Dont le fameux riche soudouillé, donc le riche soudard, le riche mercenaire. Ou le riche soldat, ouais. Suivant comment. Il faut dire aussi que le premier jour, c'est Lucan, le chambellan ou le majordome d'Arthur, qui se bat contre un chevalier et qui est fait prisonnier immédiatement parce qu'il est battu tout de suite. Du coup, tout le monde est un peu triste. Puis ils sont là-bas, fait finalement ça c'est pas mal parce qu'il pourra dire à Gingerfleck en fait on est en train de venir pour le secourir. Finalement, après plusieurs joutes, les combats s'interrompent parce que de midi le samedi jusqu'aux premières heures de lundi, il y a l'interruption totale des combats au château. Ils font leur dimanche, quoi, leur sabbat. Et Bran de Lys décide, oh, finalement, on pourrait faire demain, on pourrait aller à la chasse. Et il y a de nouveau une série d'aventures à cause de cette chasse. Il y a toute une aventure séparée avant qu'ils reviennent au château. De nouveau une série de combats jusqu'à ce que finalement Arthur accorde à Gauvin de combattre contre ce riche soudoyé, ce riche soldat. Après un long combat, Gauvin gagne et le riche soldat demande à être mis à mort parce que c'est terrible. Sa défaite va tuer son ami et il peut pas vivre sans son ami. Et du coup, Gauvin fait semblant de s'être fait battre pour qu'il puisse garder la face face à son amoureuse. Et puis finalement, il libère tous les prisonniers. Voilà. Et d'ailleurs, l'amoureuse, au début, croit qu'il a perdu et dit oh, tuez-moi, il va mourir parce qu'il va croire que je vais mourir. Il y a toute une série comme ça. Et finalement, ils parviennent à libérer effectivement Gierflay, Lucan, et le riche soudoyer s'allie avec Arthur de nouveau. Donc il y a toujours ce thème très, très, très courant de la réconciliation. Il n'y a quasiment personne, il y a quelques morts évidemment, mais c'est rare qu'un combat se finisse par juste la mort d'un des deux protagonistes. En général, ça se termine en défaite et alliance avec Arthur et ses chevaliers. Ce qui explique pourquoi peut-être régulièrement on nous parle d'Arthur et de ses 2000 chevaliers ou de ses nombreux et de ses nombreux suivants qu'il a avec dans ses longs voyages avec sa cour. Ils reviennent finalement au château de Lys où ils apprennent que le jeune fils de Gauvin, le jeune garçon qu'on a vu avant, a été kidnappé. Il a été emporté par une jeune dame et on va du coup partir à la recherche de ce jeune garçon, sauf Gauvin qui ne part pas à la recherche de son fils, et Gierflay qui reviennent en Bretagne, parce qu'apparemment on n'était plus en Bretagne, avec un message d'Arthur pour dire que à la reine qu'Arthur reviendra après avoir trouvé le fils de Gauvin, sauf que personne ne trouve le fils de Gauvin. Donc on ne nous dit pas si Arthur revient, je pense qu'il revient au bout d'un moment, mais on nous précise bien que la recherche du fils de Gauvin ne porte pas de ses fruits et qu'il va grandir sans vivre auprès de ses parents. C'est un thème on va recroiser le fils de Gauvin régulièrement, mais dans la deuxième continuation. Surtout dans la deuxième continuation, effectivement. Ce qui nous amène à la cinquième section de cette histoire, et là peut-être la plus intéressante, la deuxième visite de Gauvin au château du Graal. Oui, à l'épisode du château. Il y a Gauvin qui, en fait, on voit un chevalier qui passe près de la compagnie de la reine, je crois. Ils disent allez lui demander de venir, que s'en occupe. Comme d'habitude, il n'arrive pas, il se fait rejeter. Et donc on dit, bon, Gauvin, allez-y avec votre courtoisie habituelle. Gauvin y va, mais alors qu'il est en compagnie de ce chevalier et qu'apparemment il arrive à discuter avec lui, il se prend un javelot. Pas Gauvin. Le chevalier se prend un javelot, il dit, ah, on m'a tué. Et Gauvin dit, quoi? Non, mais pas du tout. Et puis il voit pas d'où ça est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Le type est mort. Selon les versions, on nous dit que c'est que qu'il a lancé. Selon d'autres, c'est pas explicite. Et enfin, on sait. Voilà, en tout cas, Gauvin s'énerve contre Que. Il dit ça, c'est vous qui l'avez tué. Peut-être pas. Peut-être que c'est une mort mystérieuse. Peut-être qu'effectivement Que est mesquin à ce point. Mais toujours est-il que Gauvin dit, bah c'est pas terrible parce qu'il est mort en ma compagnie, donc on va penser que je l'ai tué. Mais avant de mourir, il dit à Gauvin, prenez mon cheval et il vous amènera là où je devais aller. Et remplissez ma mission. Gauvin monte sur le cheval et le cheval va en fait l'amener au château du Graal. Donc il chevauche à travers une grande forêt, à travers deux rangées d'arbres au bord de la mer, pendant a priori plus qu'un jour et une nuit, donc une période assez longue. Et il arrive ainsi au château du Graal. On nous dit pas qu'il le reconnaît, hein. C'est pas explicite en tout cas qu'il le reconnaît. Il voit dans la grande salle, il voit un corps sur la civière et tout le monde. Donc il y a cette une pièce d'une épée brisée, donc il n'y a pas les deux pièces de l'épée ce coup-ci, et tout le monde est en train de chanter le service funéraire autour de ce corps, et de nouveau, on a une invitation à manger pour Gauvin, de nouveau, on a le Graal qui apparaît, et là, c'est un peu différent, au lieu de servir une seule personne et d'être transporté, il sert de lui-même, en fait, le tout le monde. Le Graal distribue de la nourriture. Donc peut-être aussi une espèce de vision du Graal comme corne d'abondance dans ce récit-là, et c'est aussi quelque chose d'assez similaire qui intervient d'ailleurs après dans le Perceval de Wolfram. Il faut le préciser. Gauvin, qui est seul après le repas, voit une lance qui saigne sur un râtelier près de la table. Et là, on voit de nouveau l'autre venir avec une épée. Et alors là, je sais pas très, j'ai pas très bien suivi. Je pense que l'implication avec le corps, ce coup-ci, est celui... En tout cas, l'épée est celle du chevalier qui a été tué près de la tente de Guenièvre. Oui, il amène son épée, elle correspond parfaitement avec l'épée qui est sur la poitrine du corps, qui est sur la civière. Voilà, donc l'épée a visiblement été séparée en deux à un moment. Voilà, il a dû avoir une séparation et que le chevalier était censé ramener visiblement cette épée. Enfin, en tout cas, Gauvin doit de nouveau rassembler les deux fragments, et de nouveau, il ne réussit pas. Et là, Gauvin demande pourquoi la lance saigne. Et de nouveau, et là on a peut-être l'indice aussi que la première version de cette continuation, elle aussi, date sans doute d'après Robert de Boron. Voilà. On nous explique que la lance en question, c'est la lance de Longin, le soldat qui a percé la poitrine du Christ. Donc la lance qui saigne, c'est celle qui a percé le flanc du Christ. Et qu'elle saignera, il dit, jusqu'au jugement dernier, en fait, jusqu'à la fin des temps. Et là, on nous explique, il commence à lui expliquer qui est ce chevalier qui est mort sur cette civière qu'il a vue en entrant. Sauf que d'abord, il va commencer par lui raconter, pour ça, comment Joseph d'Arimathie, et là, donc on a de nouveau le détail... dans certains manuscrits. Pas dans tous les manuscrits, effectivement. Dans les manuscrits les plus longs, il va expliquer comment Joseph d'Arimathie a attrapé le sang du Christ dans le Graal, comment il a pris le corps du Christ, il l'a enterré, comment avec Nicodème... Enfin, il est parti de Terre Sainte pour amener le Graal en Angleterre, où il a été gardé par un descendant de Joseph jusqu'à ce jour. Il ne peut pas en dire plus, parce que Gauvin, ayant échoué, il ne peut pas finir de lui expliquer la vérité. Il revient à l'histoire de l'épée brisée. Il semblerait que l'épée ait été brisée quand le chevalier qui est couché sur cette civière, mort, a été assassiné, a été tué. Mais avant qu'il puisse lui expliquer comment il a été tué, Gauvin de nouveau va s'endormir. Oui. Et quand il se réveille, il est loin du château à nouveau, où il avait vu le Graal. Et il décide de partir et de ne pas retourner en Bretagne avant d'avoir trouvé le château du Graal, encore une fois, et d'avoir demandé plus de questions sur le Graal en lui-même. C'est assez intéressant, justement, on voit ces différentes interpolations, c'est-à-dire que effectivement il y a déjà une tentative d'expliquer la lance comme étant la lance qui a percé le flanc du Christ, ce qui laisse penser justement qu'on est déjà dans ce mode d'explication. Ce qui n'était d'ailleurs pas le cas dans la version originale de Chrétien, il ne disait pas exactement, on peut s'en douter, disons, c'est quand même assez... Peut-être, c'est une certaine c'est assez piste. Peut-être qu'on en a l'image maintenant que ça nous paraît plus évident, mais enfin ça semblerait... La lance qui saigne éternellement, effectivement, n'a peut-être pas le sens immédiat pour quelqu'un qui n'est pas aussi familier que nous avec l'histoire. Mais enfin, c'est pas expliqué directement chez Chrétien. Mais on voit qu'on commence à avoir ces explications-là. Puis plus tard, justement, on interpole complètement l'histoire du Graal, qui là montre une influence claire de Robert de Boron. Après avoir donc promis de ne pas retourner en Bretagne, Gauvin va reprendre finalement le chemin de la Bretagne. Après un petit développement particulier, on retourne à un jeune homme dont on nous dit qu'il est en fait le fils de Gauvin qui avait été enlevé, qui n'avait pas été retrouvé, qui est gardé par une jeune demoiselle. On ne sait pas pourquoi il a été enlevé, on ne sait pas qui l'a enlevé, on ne sait pas qui l'a mis en charge de cette demoiselle. Mais cette demoiselle semble être un peu vaguement magique ou maléfique, parce qu'elle... ça me fait penser un peu à l'histoire de Lancelot, finalement, qui a été élevé loin de ses parents par la Dame du Lac. Enfin, elle lui demande d'aller demander à un chevalier comment il s'appelle... le chevalier refuse et le garçon le tue, en fait, par accident. Et l'accident se répète encore une autre fois. Mais cette fois-ci, le jeune homme est blessé parce qu'il a refusé d'utiliser son bouclier pour ne pas l'endommager. Et la demoiselle lui promet de nouveau un nouveau bouclier. Elle le prend dans une tente et elle lui dit « Reste dans cette tente ». Qui est près d'un passage à gué, et lui dit « Essaye, tu dois défier tous ceux qui passent par ce gué, qui veulent passer par ce gué. » Gauvin passe par ce gué, découvre que le garçon qui essaie de lui poser le défi est son fils, Il se rend à la jeune fille et à la demoiselle, il révèle son identité, et tous se rendent à la cour d'Arthur avec joie et bonheur de s'être retrouvés. C'est assez, effectivement, incongru, quand même, comme sinon s'attendrait à ce que c'est un peu plus compliqué de retrouver le gamin. Non, c'est ça, la réunion, on n'était même pas complètement sûr qu'il y avait un problème, mais il est résolu maintenant. Voilà, donc c'est ce qui se passe, et c'est là qu'on va ouvrir la sixième et dernière section de la première continuation, après de longues péripéties. J'espère qu'on a bien transmis le côté un peu pénible qu'est la lecture de la première continuation par moment. Disons, il faut peut-être l'attaquer par morceaux. Je pense que c'est plus intéressant, effectivement. Moi qui la lis, je l'ai lu d'un trait, enfin en deux sessions. Effectivement, c'est assez lourd. Je pense que ça vaut la peine de se dire, je l'apprends, je lis une section peut-être par jour et je l'y vais lentement, et c'est peut-être plus intéressant, effectivement. La sixième section, je vais peut-être très vite la présenter, parce que justement elle n'est pas liée directement au reste. Elle est quand même très intéressante pour les motifs qu'elle met en scène. Je l'ai déjà dit, c'est Arthur, il n'arrive pas à dormir, il a une insomnie, alors il se dit portez-moi au bord de la fenêtre. Il voit un drôle de truc dans la distance, quelque chose qui brille, il ne sait pas ce que c'est sur la mer. On va voir, et puis c'est une barque avec un corps dedans, qui a une lettre sur la poitrine, et qui est tirée par un signe qui est relié à la barque par une petite chaîne métallique. Et donc, c'est quand même assez merveilleux, vous dites, ah, il y a un signe qui a tiré une barque jusqu'ici, c'est quand même bizarre. La lettre dit, ah, ce chevalier, il a été planté par une pointe de lance, puis il a effectivement une pointe de lance dans la poitrine. Vous ne savez pas, vous ne saurez pas d'où est-ce qu'il vient, quel est son nom et quelle est son histoire, à moins que vous ne le vengiez. C'est-à-dire que si quelqu'un sort la pointe de lance qui est plantée dans sa poitrine, il devra le venger en la plantant au même endroit de la personne qui l'a tué. Donc littéralement, il y a une espèce d'idée de malédiction, c'est-à-dire que celui qui retire la lame qui est plantée dans son corps devra accomplir cette vengeance. Arthur se dit, tiens, on va s'amuser. Il prend le corps, il le met dans le hall de son château, il enlève la lettre pour que les gens sachent pas vraiment, et il laisse les gens se balader autour. Puis finalement, c'est Gaëret qui va prendre cette lame et qui va devoir assumer cette quête. Et on apprend qu'en fait, Gaëret avait été humilié auparavant. D'ailleurs, on y fait référence, on dit, ah, faites attention parce que vous soyez humilié pire que Gaëret. Il avait été dans un jardin où il n'était pas le bienvenu. Il était monté par-dessus le mur, en fait. Il s'est introduit dans un jardin par effraction. Et il avait vu un homme, un peu un colosse comme ça, blessé, couvert de blessures, qui s'était soulevé en rouvrant toutes ses blessures, en voyant Gaëret. Genre, ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et puis, il s'était fait battre par un petit chevalier. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a un chevalier miniature, mais pas un nain. C'est-à-dire qu'il a un corps qui est complètement proportionné à celui d'un homme d'adulte habituel, mais miniature, et il a pourtant une force assez phénoménale, et il est sur un petit cheval aussi, mais il arrive à le battre et à le chasser hors du jardin, et il doit passer par plusieurs pièces où il y a des gens qui se moquent de lui. Puis on nous dit, ça ressemble un peu au Yvain, que les gens qui ont été vaincus dans ce château, ils sont inféodés et ils doivent fabriquer des tissus. C'est des espèces d'ouvriers qui doivent fabriquer des tissus, ce qui nous fait penser aux ouvrières qui étaient asservies. Oui, c'est ce que quand j'ai pas entendu parler, c'est Vos, hein. Dans l'Yvain. C'est dans l'Yvain qu'il y a le. Mmh. Il y en a aussi une histoire dans Perles-Vos avec des ouvriers, il me semble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'occasion de préciser, si vous voulez différencier les deux continuateurs instantanément, le premier continuateur fait toujours référence à de la samite, enfin des tissus ornés, donc d'or, brodés d'or et d'argent, alors que le deuxième continuateur parle tout le temps d'or froid. C'est comme ça que les distingue, c'est très facile à repérer. Tout le monde s'habille de samite dans le monde du premier continuateur. Ce qui est un peu, enfin, c'est effectivement le tissu magnifique, doré, riche, mais tout le monde, absolument tout le monde est brodé de samite. Même si, imaginez si Enid, par exemple, vous vous souvenez dans Chrétien, tout au début, elle est vraiment décrite comme une pauvrette, dont la famille est très pauvre, elle a juste vêtue d'une chemise blanche, et ben, chez le premier continuateur, elle serait décrite comme une pauvrette, habillée tout en samite. Donc là, c'est vrai que c'est un peu facile de perdre le fil, parce que vous avez une histoire imbriquée dans une histoire, imbriquée dans une histoire. Vous avez l'histoire de ce chevalier dont on connaît rien, la vengeance, et puis l'histoire de Gaëret. Et en fait, ce qui tombe bien, en fait, Gaëret découvre que le maître du petit chevalier, c'est en fait la personne qui avait tué ce chevalier dans la barque, et du coup, il avait mis cette pointe de lance sur sa propre lance, et il la lui plante au même endroit, il le tue, et du coup, la vengeance est accomplie, et il y a une demoiselle qui débarque et qui explique à Gaëret tout ce qu'il avait besoin de savoir. Oui, la quête est accomplie, n'enlève pas la lame de la poitrine, parce que sinon, ça va de nouveau déclencher un cycle de vengeance. Et l'histoire se finit avec une nouvelle barque qui arrive là, comme au début, auprès d'Arthur, mais sauf que c'est Gaëret qui est endormi dedans. Et du coup, tout est bien, qui finit bien, et l'histoire s'est complétée. Là, de nouveau, comme pour Caradoc, on a une histoire qui est une espèce de cycle à part, une histoire d'un frère de Gauvin, qui est, à mon avis, intéressante, parce que justement, vous avez une espèce de twist qui est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a deux histoires séparées, mais qui se rejoignent. C'est la même personne qui avait humilié Gaëret et qui avait tué ce chevalier. Et du coup, ça fait sens au final. Ce que je m'imagine, moi, je me demande si c'est pas les scribes qui rédigeaient ces continuations au début, qui manquaient un peu, qui devaient écrire des lignes de texte, et qui, un jour, en attendant la suite de l'histoire qui n'est pas encore disponible, se doivent d'ajouter du matériel pour pouvoir faire valoir qu'ils ont fait leur travail, et du coup, ils prennent les premières aventures arthuriennes vaguement contenues qu'ils ont, et ça fait en fait l'équivalent du filaire dans un animé. Non, c'est ça, un long texte qui n'a rien à voir. Bon, il y a des similarités thématiques quand même. Oui, disons, il y a l'idée de la vengeance. Carados, c'est aussi un neveu d'Arthur. Ouais. L'idée de vengeance. Après, Carados, c'est vraiment très très bizarre. Carados, c'est assez bizarre. Geralt est le frère de Gauvin, donc il y a quand même un certain sens, cette idée de vengeance. Mais il y a on pourrait facilement couper la première continuation de fait à ne garder que les éléments relativement utiles, c'est-à-dire les passages de Gauvin au château du Graal, toute l'aventure de Brandelis parce qu'elle est importante, parce qu'elle révèle des choses sur Gauvin. Et c'est beau, il retrouve des gens qu'il a vus avant. Mais pourtant, non, il y a plein d'aventures, justement épisodiques, qui me font vraiment penser à quelqu'un qui essaie de raconter une histoire à des gens tous les jours, effectivement, et qui se dit, bon, oh là là, mais j'ai plus d'idées sur Gauvin, ou bien il me manque un bouquin. Bon, je prends l'histoire de Carados maintenant, puis on va changer pour un petit moment. Il faut dire aussi qu'il y a pas mal de versions différentes, selon la longue, la mixte ou la courte version de la première continuation. C'est aussi le cas dans une moindre mesure pour la deuxième continuation, qui a plus ou moins deux versions, portée une longue, mais après c'est beaucoup moins le cas des troisième et quatrième continuations qui existent sur plusieurs manuscrits mais qui sont relativement similaires en général. Il faut aussi noter peut-être une fin, c'est qu'on remarque quand même un thème, disons dans le terme de la continuité avec les thèmes qui intéressent beaucoup les gens, la continuité avec, disons, les histoires celtiques populaires, le folklore breton-gallois. Ce surnaturel a un rôle assez important dans cette histoire, en fait. Le merveilleux, entre l'enchanteur Eliavres, entre Geralt, j'ai pas dit l'histoire, se termine. On apprend qu'en fait, cet homme dans la barque s'appelait Brangemwell, et qu'en fait, c'était le fils d'un mortel et d'une fée, et qui devait mourir avant de pouvoir être amené dans le royaume de sa mère. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir être admis dans le monde des fées, il devait mourir, et donc que finalement, même sa mort est pas si triste que ça. Et là, on a quand même... on a la fée Morgane, on a ces fées qui manigancent dans les coulisses, disons, on a des châteaux merveilleux, on a beaucoup de choses qui participent de ce merveilleux, et du coup des gens qui pensent qu'effectivement, ça piocherait un peu dans les mêmes sources que chrétien sans être chrétien, typiquement le Graal qui nourrit toute cette compagnie, peut-être qu'on pense justement à ces récipients d'abondance qu'on trouve dans le folklore irlandais et gallois. C'est peut-être là aussi effectivement qu'on voit une assimilation des deux, c'est peut-être moins dans effectivement l'origine de ce que nécessairement chrétien a pu utiliser, et plus une relecture de chrétien avec ce prisme. Ouais. Derrière. Après, ça reste comme un truc très français. Hein. Les auteurs de toutes ces continuations sont français, vraisemblablement. Enfin, c'est pas de l'anglo-normand. Donc, on est vraiment dans une dimension plus continentale, en tout cas, de la légende arthurienne. Donc, on va maintenant passer à la seconde continuation, la deuxième continuation, avec enfin, on va nous reparler un petit peu de Perceval. Avant ça, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve tout de suite après ça pour vous présenter une continuation qui, il faut le dire, se laisse résumer beaucoup plus facilement. Thank you. Donc nous voici de retour pour parler un peu plus brièvement peut-être de la seconde continuation, la continuation Perceval comme on l'appelle, où on va retrouver notre chevalier préféré, enfin non, tous les goûts sont dans la nature, mais disons, le héros de Chrétien nous est retourné avec un style et des préoccupations peut-être un peu différentes. Faut dire qu'elle est écrite aussi par un auteur différent, enfin on pense qu'elle est écrite par un auteur différent, on pense que cet auteur s'appelle Vauchier de Denain, qui est un traducteur et romancier, et surtout rédacteur de vie de saint. Il a beaucoup écrit des vies de saint. Il a une production littéraire assez importante, en fait. Pas mal de vies de saint, plus d'une quinzaine en tout, ainsi que quelques traductions du latin, et cette deuxième continuation du Conte du Graal, qui fait un peu tâche, si on veut, sur son CV, parce que c'est un CV de littérature assez religieuse à la base et historique. Son style est un peu différent du premier continuateur. Il est peut-être un peu plus mesuré. Il a moins tendance à faire. Il reprend parfois certains mots du continuateur quand il doit écrire des longs combats, ce qui implique peut-être qu'il n'est pas aussi fan de faire ça que le premier continuateur. En tout cas, il est un peu plus mesuré sur ça. Par contre, il est aussi bon, voire pire que le premier, pour ce qui est de raconter des histoires annexes qui n'ont pas grand rapport avec son histoire. Oui. Sauf que dans son cas, on peut peut-être plus l'envisager comme une série d'épreuves qui prouvent la valeur de Perceval, alors que Gauvin, voilà, lui, n'a pas vraiment, c'est pas vraiment l'implication de Gauvin dans la première continuation. La grande majorité des épisodes, en fait, c'est Perceval qui arrive quelque part, peut-être qu'il y a un élément un peu bizarre, il combat quelqu'un, il l'envoie à la cour d'Arthur, et puis il continue sa quête, et ça a absolument aucun impact direct ou logique sur ce qui se passe autour. Donc il y a énormément d'épisodes qu'on va pas forcément vous mentionner, parce que c'est des enchaînements comme des perles, comme ça, mais il prouve la valeur de Perceval, et surtout, c'est intéressant, cet élément d'envoyer les chevaliers chez Arthur, qui est moins présent quand c'est Gauvin qui est le héros. Gauvin, lui, a tendance à se faire copain-copain avec Arthur, présent, alors que Perceval est un peu plus autonome. Ça peut être assez intéressant. Il est plus chevalier errant que Gauvin, disons. Il revient moins souvent à la cour. Donc, l'histoire reprend à la fin de la première continuation. Il mentionne, d'ailleurs, l'aventure du cygne qui s'est passée juste avant. Enfin, pas dans des termes très, très détaillés, mais il la mentionne. Et on retourne à Perceval, là où l'avait laissé Chrétien. On ne mentionne pas son apparition au tournoi où il s'est marié avec quelqu'un apparemment dans la première continuation, pour l'oublier visiblement. Suivant les manuscrits, on nous mentionne soit le détail de sa visite à l'ermite du Vendredi Saint, l'explication de son oncle ermite justement, soit on mentionne simplement un chasseur qui lui dit qu'il refuse de le saluer parce qu'il a échoué au château du Graal et qu'il doit devoir le combattre s'ils se font face plus longtemps. Et donc du coup, Perceval repart dans une autre direction. Toujours est-il que Perceval arrive à un château dont la porte est close, mais il y a une corne d'ivoire au centre de la porte. Il souffle dans la corne, un chevalier se bat avec lui, il renvoie le chevalier après avoir gagné à la cour d'Arthur, et il reste dans le château pendant un moment où on l'accueille, et il apprend là qu'il y a un pilier sur le Mont Douloureux qui est là, en fait, et que seul le meilleur cheval du monde peut attacher son cheval à ce pilier. Ça va être assez important par la suite, et il se dit, il faut que j'aille là-bas. Puisqu'après tout, il est censé être le meilleur cheval du monde, effectivement, comme lui avait annoncé la jeune fille au début du Conte du Graal. Le sire du corps, qu'il a battu juste avant, va se rendre à la cour d'Arthur. Il rapporte à la cour d'Arthur que Perceval ne reviendra pas à la cour sans avoir trouvé la lance, donc il a adopté la quête de Gauvin qu'on avait vu avant. Et Arthur et ses chevaliers décident de partir à la recherche de Perceval, ce qui est un terme assez récurrent, on l'a vu. De là, il y a d'abord, il croit voir une rivière qui lui rappelle vaguement l'endroit où il a vu le roi pêcheur. On se dit, il va retrouver le château du roi pêcheur assez vite. Finalement, en essayant d'aller retrouver ce château, il tombe sur un petit château dans lequel se trouve une jeune demoiselle qui lui offre de l'amener de l'autre côté de la rivière. Il décide de monter dans le bateau de la dame, sauf qu'un homme qui manie un autre bateau l'avertit de ne pas rentrer dedans et lui dit que le roi pêcheur se trouve par un autre chemin. Sauf que Perceval décide, lui, de ne pas suivre l'avis de l'homme et d'aller voir un autre joli château qu'il a vu de l'autre côté de la rivière. Il voit ce château, il arrive, il n'y a personne dans ce château. Il s'assied sur un lit, il attend, personne ne vient, et il voit une porte qui s'ouvre sur sa droite. Il rentre dans la chambre qui vient de s'ouvrir, et il y voit un merveilleux échiquier. Et il peut jouer contre l'échiquier. En fait, l'échiquier marche tout seul, comme dans Harry Potter. Il joue trois fois contre l'échiquier, et trois fois, il est fait échec et mat. Il décide de se venger de l'échiquier, il prend les pièces du jeu d'échecs et s'apprête à les jeter par la fenêtre dans la rivière. Et là, une demoiselle apparaît dans une autre fenêtre et l'invite à l'amener dans la pièce et à jouer, à remettre les pièces sur l'échiquier et à lui tenir compagnie. Perceval tombe amoureux d'elle sur le champ et lui demande de devenir son ami. Et il refuse jusqu'à ce que il refuse si Perceval n'accepte pas de lui amener la tête d'un cerf blanc qu'il est supposé chasser dans un parc près du château. Pour mener cette chasse, elle lui prête un chien, enfin un braque et un chien, une espèce de chien de chasse. Un braque. Ah oui, un braque. Oui, je m'y connais très peu en cynologie, je dois t'avouer. Donc, merci pour le. Voilà. Dont il va prendre grand soin et qu'il doit ramener auprès de cette jeune fille justement. Il promet de le faire et s'en va avec son nouveau ami canin, qui va être un ami fidèle. On va le voir. Et décide d'aller chasser ce cerf blanc. Oui, ça va être un des fils rouges de la seconde continuation. Je pense qu'il y a, disons, grosso modo, trois fils rouges. Un qui a déjà été introduit, c'est le Mont Douloureux, qui va être le test du meilleur chevalier du monde. Donc forcément, on sent que Perceval va devoir aller s'y frotter tôt ou tard. Deuxième fil rouge, le Graal et les épisodes du Conte du Graal. On va avoir beaucoup de personnages qu'on a déjà vus. On va revoir des gens de la famille de Perceval, etc. Et le troisième fil rouge, qui en fait prend énormément de place, c'est la quête du cerf blanc. C'est-à-dire qu'il commence là et on nous dit « Ah, Perceval, tu veux devenir mon amant, tu vas devoir me rapporter ce cerf. » Alors il va dans la forêt et il le trouve en fait assez facilement. Très vite, il trouve le cerf blanc, il le court après. Et alors qu'il est en train de le découper... en morceaux pour transporter sa tête plus facilement, il y a une pucelle de malheur, une dame maléfique. Maléfique qui advient et qui vole le chien et qui se barre avec. Il lui court après, elle ne veut pas le lui rendre à moins qu'il aille défier. Il y a une tombe où il y a une image de chevalier dessus, puis des mots qui sont écrits, et elle lui dit d'aller le défier. Puis alors, il fait ça, il y a un chevalier noir qui sort de nulle part. Et il dit bon bah on s'affronte, ils se battent, et pendant qu'ils se battent, ils voient un autre chevalier qui débarque et qui vole le chien et la tête de cerf. Et il va pas les revoir avant un moment. Donc là, on a la quête du cerf blanc. Il va partout, il va aller pratiquement, il va demander aux gens, est-ce que vous avez vu une tête de cerf blanc, ce chien, etc. Les gens ne savent pas, mais ça va être la quête qui va le conduire à travers pratiquement toute la continuation. On va pas forcément entrer dans les détails de... Oui, il rencontre plusieurs personnes. Il rencontre plein de gens, beaucoup d'épisodes. Il combat un géant, il combat des chevaliers par... Il venge un valet qui était en train d'être poursuivi par un chevalier. Par contre, il tombe, et là ça commence à être intéressant, il tombe un moment sur un chevalier, un vieux chevalier, qui dit que Perceval lui a fait un grand malheur plus ou moins 9 ou 10 ans auparavant. Donc on est assez loin effectivement dans le temps. Il a tué son frère, le chevalier rouge. Vous vous souvenez du chevalier rouge, c'est celui dont Perceval a pris les armes au début du Conte du Graal. Perceval explique que c'est le roi qui lui avait accordé les armes, et le vieux chevalier accepte de laisser ça dans le passé. Et par contre, il lui informe qu'il est au courant de sa quête, qu'il sait que Perceval cherche le château du roi pêcheur, et que la damoiselle a pris son chien et la tête du cerf parce que il avait échoué la quête du Graal. Donc c'est vraiment un lien entre la quête, entre son péché et quelqu'un qui fait des crasses et des problèmes qu'il a. Il décide de lui donner la direction du château où il trouvera normalement la jeune fille qui a pris le chien, mais Perceval se trompe, il prend la mauvaise route et croit que le chevalier la trahit. Par contre, il arrive vers un château qui croit peut-être être celui où il va trouver le chien. En fait, pas du tout. De nouveau une aventure, il doit tuer un lion ce coup-ci. Il y a une série d'aventures, de nouveau, où il va pouvoir tuer des géants, ce patron des chevaliers, les envoyer à la cour d'Arthur. Jusqu'à ce qu'il rencontre, un jour, une jeune demoiselle qui est assise toute seule dans une forêt sous un arbre. Perceval lui demande pourquoi elle est toute seule, et elle lui dit qu'elle a un ami, enfin un compagnon, quoi, un chevalier qui est son amant. Le chevalier apparaît, défie Perceval, ils se battent, jusqu'à ce que le chevalier demande le nom de Perceval. Et quand le chevalier apprend, il se rend tout de suite et il lui explique qu'en fait il est le fils de Gauvin, le Bios Desconus, donc le Libos Desconus de la traduction anglaise, le bel inconnu en fait, c'est le bel inconnu. Donc il n'a pas de nom, visiblement il s'appelle le Bio inconnu. Il lui explique qu'il est le fils de Gauvin et il lui donne des nouvelles de Gauvin en fait, parce que Perceval aimerait bien savoir ce qu'il est advenu de son ami. Il apprend que Gauvin est loin de la cour, mais qu'il espère voir Perceval à Noël, à la cour donc. Il décide de passer la nuit dans un château pas loin et se sépare après la nuit. Perceval continue il arrive dans un beau pays qu'il reconnaît vaguement, il arrive à un palais et il est reçu par une certaine Blanchefleur. Il est de retour à Beaurepaire. Donc ils se reconnaissent, Blanchefleur passe la nuit avec et elle lui explique qu'en fait elle n'a promis de ne pas se marier avec qui que ce soit d'autre que lui, de rester fidèle, lui assez fidèle depuis donc pas loin de plus de 5 ans en fait qu'il l'a pas vu. Et elle est très triste quand elle apprend qu'il doit continuer sa quête. Il promet de rester quelques jours, il reste finalement plus qu'il l'avait promis, il reste 3 jours. Et le matin du 4e jour, il la quitte et laisse toute la maisonnée en pleurs. Et c'est tragique. On peut d'ailleurs noter que du coup, il contrevient un peu à sa promesse de ne pas coucher deux fois au même endroit. Oui, effectivement. Deux fois de suite au même endroit. Il est, ouais, techniquement, on peut considérer qu'il a rempli cette partie en apprenant de qui on sert du Graal. C'est vrai. Par contre, oui, effectivement, c'est assez. Les amours de Perceval semblent être partagés entre cette relation avec Blanchefleur. Et de nombreuses demoiselles, parce qu'il n'y a pas seulement la demoiselle de l'échiquier hein, dont il tombe amoureux, il est assez comme ça, finalement c'est presque aussi coureur qu'au Gauvin. Oui, mais il y a l'idée que la relation, j'ai l'impression, de Blanchefleur, c'est plus une relation maritale, une relation qui est marquée par une certaine, peut-être pas chasteté, mais une fidélité ou comme ça. Ou une fidélité matérielle, un lien dans le domaine de Blanchefleur, parce que Blanchefleur serait une propriétaire terrienne en fait, serait sa dame, et les autres seraient des amourettes que le chevalier aurait. Voilà. C'est possible, effectivement. Il y a peut-être une relation différente. Ce qui est clair, c'est que c'est assez poignant, hein, la relation avec Blanchefleur. C'est peut-être aussi que les autres dames qu'il rencontre, on va le voir, sont pas toujours très naturelles. Enfin, la demoiselle du château aux échecs semble être un peu féerique par moments. Oui. Juste après avoir quitté Blanchefleur, il rencontre cette fois-ci un chevalier qui s'appelle le Bio Beauvais, qui est accompagné par une très très laide demoiselle, qui est son amie. Alors, il bat le Beau Mauvais. Parce qu'il s'est moqué, il sourit au passage, oui. Et il se moque de la bonhomie, lui est très défensif. Il bat le Beau Mauvais, il l'envoie à la cour d'Arthur, et à la cour d'Arthur, les gens remarquent, après que ait fait bien sûr une remarque désobligeante. Une remarque très ironique, où il dit « elle est magnifique », enfin il loue sa beauté de façon assez ironique, disons. Et il est réprimandé par Arthur, évidemment. Et le Beau Mauvais est invité, et on explique que son amie d'un coup devient belle. Que son amie deviendrait très belle. C'est peut-être l'implication qu'il y ait un enchantement autour d'elle, ou qu'elle. Enfin, le texte dit même peut-être qu'il y avait un enchantement sur elle et qu'elle semblait mal. Elle semblait. Toujours dire que le chevalier, lui, n'avait semblait pas avoir de problème avec elle, même quand elle était très laide. Il disait non, je la trouve très belle. Et c'est là qu'on revient à Perceval et qu'il se trouve dans une forêt toujours. Hein. Toujours la forêt, toujours. Et il se trouve tout d'un coup près du manoir de sa mère, là d'où il était parti justement il y a bien des années. Il est bien reçu par les servants, mais il n'est pas reconnu par personne. Évidemment, ça fait plus un moment qu'il est parti. Même sa sœur, qui par contre reconnaît vaguement son frère dans son apparence. Effectivement, quand il apprend que sa mère est morte, il réapprend que sa mère est morte et il révèle son identité. Et il décide de retourner à l'héritage de son oncle pour faire pénitence pour ses péchés et voir la tombe de sa mère. Ce que je comprends mal dans tout ça, c'est que il est censé déjà avoir fait ça, en fait. Oui. Donc, c'est peut-être une conséquence, on l'a vu des deux versions. Dans la première version qu'on avait vue, le texte ne commençait pas avec son oncle, mais bien avec un chasseur. Et c'est possible que la continuation où n'apparaît pas... dans la continuation, il n'apparaît pas l'oncle au début. Il est censé ne pas encore s'être rendu chez l'oncle. Ouais. C'est assez curieux. Toujours est-il qu'il va chez son... chez son oncle après avoir tué un chevalier au passage qui les attaquait tout à fait naturellement, et ils arrivent de nuit à l'ermitage de l'oncle. Ils dorment en dehors de l'ermitage et la nuit suivante ils dorment en dehors de l'ermitage parce que l'oncle refuse de leur parler parce que c'est la nuit. Ils dorment sur l'herbe à côté et le lendemain après la messe l'ermite est informé par la sœur qu'il se trouve en compagnie de Perceval, et là de nouveau on a une espèce de... une répétition, finalement, de l'aventure de Chrétien, avec la fin de l'histoire de Perceval dans Chrétien, avec l'explication du péché, l'explication de la lance. Mais il refuse ce coup-ci, l'ermite, de lui donner tous les détails sur la lance, surtout. Et l'épée brisée, parce qu'il mentionne l'épée brisée, même s'il n'est pas censé l'avoir vue. Mmh. Enfin, Chrétien ne parlait pas de l'épée brisée dans son passage original, et seul Gauvin l'a vu pour l'instant dans le texte. Or là, Perceval semble savoir à propos de l'épée brisée. Là, c'est peut-être une confusion aussi basée sur l'épée qui était censée se briser une fois que lui avait donné le roi pêcheur plutôt dans le récit. Il y a peut-être un miroir entre les deux. Il faut noter que l'oncle, l'ermite, en fait, est énervé contre Perceval parce que quand il a tué le chevalier qu'il attaquait lui et sa sœur, il a pris son cheval, et du coup l'oncle lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu as deux chevaux ?» Et il dit « Bah, j'ai tué un chevalier », et il le réprimande pour ça, il lui dit « T'aurais pas dû le tuer ». C'est assez, il y a pas mal de petits éléments de chevaliers qui les attaquent et qui se font tuer comme ça, de petits éléments un peu pas très clairs dans la deuxième continuation. Elle est moins explicite en tout cas que celle de, que la continuation Gauvin. Il y a ensuite toute une suite d'aventures. Il se retrouve notamment à un château des demoiselles, mais la plus intéressante pour nous, c'est qu'il va retrouver dans une forêt, sous un arbre, une jeune fille, et sous cet arbre, pendu à une branche, il voit la tête du cerf blanc qu'il était en train de chercher. Alors, il arrive justement à accrocher un arbre, il voit cette tête, il y a une demoiselle non loin, il essaie de s'approcher, de discuter avec elle, mais bien sûr, elle se moque de lui, elle dit qu'il va être déshonoré avant la fin du jour. Il y a un chevalier qui arrive, réglé comme une horloge. Il est en train de chasser un cerf, il faut le préciser, avec le chien qu'il a volé à Perceval. Donc il a bon, ok, bingo, j'ai retrouvé mes trucs. Il se bat contre lui et il lui prend, il récupère ses effets. Et le chevalier lui révèle un élément sur quelque chose avant, c'est-à-dire le chevalier noir qui était, vous savez, il y avait une tombe où si vous le défiez, il y a un chevalier noir qui en sortait apparemment pour se battre contre vous. Lui, il vous dit que il est le chevalier qui vient de battre, il lui révèle qu'il est le frère de ce chevalier de la tombe et que celui-ci avait cherché l'aventure pendant 5 ans avant d'arriver sur l'île d'Avalon et que là, il avait rencontré une femme magnifique au bord d'une fontaine, donc une espèce de fée, et qu'elle lui avait arraché la promesse de faire tout ce qu'elle voulait. Et notamment, elle l'avait emmené avec lui, elle avait construit un château invisible autour d'eux, et il doit combattre tous les gens qui défient l'image sur la tombe. Donc à côté de cette tombe, il doit y avoir un château qu'on ne voit pas, et c'est un peu sa malédiction. Donc c'est ce qu'on a vu déjà, en fait, chez Erek déjà, donc le chevalier qui est prisonnier parce qu'il a fait une promesse à sa dame. Je veux dire, littéralement, si vous aimez la littérature arthurienne, vous allez souvent voir ces moments où vous avez un chevalier qui fait « Tu ne devineras jamais pourquoi est-ce que je défends ce jardin contre tous les intrus. » Laisse-moi deviner, tu as fait une promesse à ta dame, elle a réussi à t'arracher une promesse. Et généralement, c'est ça. Donc, il découvre des informations sur ce qu'on a vu avant. Il croise aussi une demoiselle qui a une mule blanche, qui ne veut pas de son aide pour remonter dessus. Et puis, elle l'esquive, puis se bat dans la forêt. Il voit une lumière au loin. Il comprend pas trop ce qui se passe, il y a un orage énorme. Le lendemain, il recroise la même demoiselle, il lui dit non, mais il n'y avait pas d'orage. Donc des choses un peu bizarres qui se passent comme ça. Elle l'accueille dans une tente, elle lui dit que la lumière, c'est dû au Graal que le roi pêcheur a amené dans cette forêt. Donc on est en train de se rapprocher, que cette lumière qu'il a vue, c'est liée au Graal. Et elle ne peut pas lui dire où est le Graal, mais elle peut lui donner sa mule qui le mènera au château du roi pêcheur, tant qu'il porte un anneau, parce qu'il ne peut pas contrôler la mule sans l'anneau, elle lui donne l'anneau, elle lui prête, et avec ça, avec son cheval, la mule, etc., il traverse le pont de Voir, donc le pont de Voer, le pont de Verre. Non, c'est un pont, en fait, c'est un pont en fourrure d'écureuil. Non, je plaisante. Donc un pont de verre qui craque, et on a l'impression qu'il va se craquer quand on passe dessus, et en fait, finalement, il arrive en bon état de l'autre côté. Et quand il se retourne, il croit que le pont qui s'est effondré est en fait toujours intact. Donc, visiblement, il doit y avoir des... Je pense que l'implication, c'est que le cheval qui... Parce qu'il a toujours son cheval qui traîne derrière lui quand il est sur la mule. Il croit que le cheval a causé l'effondrement du pont. Mais en fait, non, pas du tout. Et en fait, ça fait partie d'une série d'épreuves qui vont distinguer Perceval comme étant le meilleur chevalier du monde, qui vont le conduire au mont orgueilleux et au château du Graal. Au mont douloureux. Pardon. Là, tu fais la conclusion que je fais toujours d'habitude. Au mont douloureux, oui. Mais il va aussi passer par le château orgueilleux. Voilà. Donc, d'ailleurs, on arrive au château orgueilleux. Il arrive... Chez un chevalier qui s'appelle... Un vavasseur qui s'appelle Brios. Ou Briol. Briol, Brios. Qui lui parle, en fait, d'un tournoi qui va avoir lieu au château orgueilleux et qui doit traverser, pour cela, un pont qui n'est pas fini, en fait. Une damoiselle avait construit ce pont pour son amant. Voilà. L'ami en question est mort avant la construction du pont. Elle a refusé de finir le pont. Et il est accueilli chez la famille de Briol. Il rencontre notamment sa jeune fille... Alors ça c'est intéressant, la jeune fille refuse d'avoir un ami. Elle dit explicitement « je ne veux pas avoir d'amis, je suis trop jeune ». C'est assez intéressant, ça m'a fait penser un peu à la demoiselle aux courtes manches, aux manches étroites de Gauvin. Personnage la fin du roman très jeune. Donc il arrive sur ce pont, c'est un pont qui s'arrête à peu près au milieu de la rivière. Et donc quand c'est un pont qui ne fonctionne que pour le meilleur chevalier du monde, donc il va distinguer Perceval. Perceval monte dessus et le pont se déplace pour atteindre l'autre rive. Donc est-ce qu'il tourne ou est-ce qu'il glisse jusqu'à l'autre rive? Moi j'avais compris que le pont était un peu arqué au-dessus de la rivière et puis il s'est couché sur la rivière. Il s'est couché sur l'autre rive. Briol lui crie « Ok, fais tes affaires, fais le tournoi, on se retrouve après ». Perceval, bien sûr, excelle dans le tournoi. Et puis quand les gens sont en train de se demander « Mais quel est ce bon chevalier ?» Il se bat avec, je crois, les rois d'Irlande et d'Écosse contre les forces d'Arthur. Et puis bien sûr, comme il n'a pas son bouclier et puis il a son armure, personne ne le reconnaît. On me dit qu'il a changé ses armes pour celles de Briol, en fait. Ouais. C'est donc le motif du tournoi où le chevalier excelle et puis il repart. Et puis on ne sait pas qui était ce bon chevalier, finalement. Il fait ça pendant 2 jours. Hein, et les deux fois, Gauvin, qui essaie de trouver qui est ce jeune homme si vaillant, n'arrive pas. et il retourne du coup de l'autre côté du pont mal fini pour retrouver Briolle et finalement retourner vers la demoiselle au, à l'anneau et à la mule. Là, il y a un épisode qui peut amener peut-être un peu de confusion, c'est-à-dire que Perceval trouve une tombe sous un arbre, c'est-à-dire qu'avant on a dit qu'il y avait un chevalier de la tombe, bah là on a un autre chevalier de la tombe, donc ça peut créer une confusion. Il voit une tombe sous un arbre vers une croix. Il y a quelqu'un qui appelle à l'aide dessous, donc il prend une espèce de tronc et il soulève la dalle. Et il verra, merci de m'avoir libéré, mais il le type qui sort de la tombe le pousse dedans et laisse tomber la dalle dessus. Et il veut s'en aller avec la mule de Perceval, mais il n'a pas l'anneau pour la contrôler. Et là, il se rend compte que Perceval doit être un chevalier spécial parce qu'il essaie aussi de partir avec son cheval. Et le cheval ne lui obéit pas non plus. Donc il se dit, bon, c'est mauvais pour moi, je vais retourner dans ma tombe et puis éviter de causer des problèmes. Et il libère Perceval. Donc, il conseille à Perceval d'aller au Mont Douloureux, justement. Parce que pour Perceval... gagner encore plus de renom. Pour gagner encore plus de renom. Et dans la forêt, Perceval entend une voix qui lui dit que s'il suit le chien, il reviendra au château où on lui avait confié, au château de l'échiquier. Donc, entre-temps, il a eu le temps de redonner l'anneau et la mule blanche à la dame. Mais celle-ci, quand elle lui demande si elle a vu le Graal, le château du Graal, il dit qu'il a traversé les deux ponts, mais pas le château du Graal. Et là, elle refuse de lui dire quoi que ce soit d'autre, et elle se barre. Et donc... c'est là qu'il apprend finalement que la suite de sa quête ne lui est pas donnée par qui que ce soit, mais cette voix un peu mystérieuse. Ouais. Et je me demande si c'est pas peut-être une confusion de quelqu'un qui a mal compris une chose ou l'autre et qui a causé l'apparition de cette voix. Mais le texte remarque que cette voix est un peu surnaturelle quand même. Et donc la dame lui reproche, vous avez quand même mis le temps pour aller trouver le cerf, parce que c'est vrai qu'au départ on pensait que ce serait une affaire de minutes. Et il lui explique, non mais ils m'ont été volés, elle comprend. Il demande en passant d'où vient l'échiquier magique, et elle dit que c'est une jeune fille qui était formée en nigromance, donc en nécromancie, qu'il a donné à Morgane la fée, qu'il a ensuite transmis à la dame. Il passe une nuit avec la dame, donc une relation qui est plutôt justement sensuelle et charnelle, plus que du côté de Blanchefleur, même si c'était aussi une dimension chez Chrétien, mais pas dans cette continuation. Et le lendemain, il veut repartir pour le château du roi pêcheur. La dame lui fait passer une rivière et lui indique un chemin qui mènerait à la cour du roi pêcheur. Alors sur ce chemin, Perceval trouve un chevalier qui pend par ses pieds un arbre. Il libère le chevalier, il apprend que son nom c'est Bagomedès, et Bagomedès explique qu'en fait il a été mis dans cette position indigne par Queux. Que Queux et trois autres compagnons étaient en fait revenus du Mont Douloureux dans un état un peu de folie ou une étrange absence en fait, et ils ont parce qu'ils avaient échoué à l'épreuve du Mont Douloureux, ils n'avaient pas pu, ils avaient essayé de nouer leur cheval à la borne du Mont Douloureux et ils avaient échoué vu qu'ils n'étaient pas les meilleurs chevaliers, et donc ils sont devenus fous un peu, et dans leur folie ils ont pendu Bagomedès est libéré et Perceval décide de se rendre au Mont Douloureux, et Bagomedès se rend à la cour d'Arthur pour chercher sa vengeance sur Queux. Bagomedès et Queux commencent à se battre à la cour d'Arthur. Arthur finalement parvient à les séparer avec l'aide de Guenièvre. Et il explique où Perceval est en train de se rendre. Et du coup, tout le monde, surtout Gauvin, mais aussi Yvain, Lancelot et Gravin, décide de poursuivre, de chercher Perceval, en fait. Le motif toujours récurrent hein, de la quête du Graal, c'est aussi la quête de Perceval pour les chevaliers d'Arthur. Et Gauvin explique qu'il avait déjà vu le château du roi pêcheur, donc peut-être qu'il essaie de le retrouver pour essayer de trouver Perceval. Gauvin, Yvain et Lancelot se séparent à une croisée des chemins. L'auteur nous dit qu'il ne dira plus rien d'Yvain et de Lancelot et continue son histoire sur Gauvin. Donc brièvement, pas très très long comparé à la première continuation, on va revenir sur Gauvin où il va avoir quelques aventures, notamment un tournoi. Il va se faire face à un petit chevalier avec qui va participer à ce tournoi. Il va trouver un chevalier pensif dont il va sauver la damoiselle, et finalement il va rencontrer son fils Guinglin. Donc c'est le bel inconnu qu'on avait vu avant. Et il apprend de Guinglin, qui visiblement passe son temps à la cour d'Arthur, mais même s'il n'avait jamais mentionné quand il est là-bas, il apprend qu'Arthur et son royaume sont assiégés par le roi Carras, et que le roi a besoin de lui. Et Gauvin explique où il était en fait pendant son absence. Et là, c'est un peu confus parce que ce que nous laissait entendre le texte, c'est que Gauvin est à la cour d'Arthur jusqu'à ce qu'il apprenne que Perceval sort de Mont Douloureux. Sauf que ce que raconte Gauvin, c'est ses aventures depuis le moment où il est parti de la cour après l'incident après de la tente de Guenièvre et à la fin de la première continuation. Donc il y a un lien assez fort avec la première continuation ici, ne serait-ce que dans la présence du fils de Gauvin évidemment, mais c'est assez peu clair la façon dont c'est organisé. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il a vu Guinglin, mais enfin c'est pas extrêmement bien expliqué. Peut-être que Gauvin se trouvait ailleurs, enfin il y a une certaine confusion. Il explique de nouveau en grand détail son expérience au château du Graal, l'épée brisée, la lance saignante, le Graal et la jeune fille. Et il admet n'avoir posé qu'une seule question sur la lance saignante, et pas sur le Graal parce qu'il est tombé en sommeil quand le roi pêcheur essaie de lui parler. Donc il explique également qu'il est en train de chercher Perceval, et Gauvin apprend de Guinglin qu'il avait vu Perceval il y a moins d'un an et qu'il sera présent à la cour d'Arthur à Noël. Ils se rendent ensemble pour essayer de retrouver Arthur à Escavalon, où il y a une large armée assemblée par Arthur, et là il parvient à battre le roi Carras, ainsi que son... C'est son frère, je crois, Clodas. Son frère Clodas de la Déserte, et en fait aussi à négocier, disons, leur reddition. Parce qu'il y a l'idée que Arthur ne les épargnera pas, mais Gauvin, par sa diplomatie, arrive à arranger qu'ils se rendent, en fait. Voilà. Et leur parvient surtout à leur faire conserver leur territoire, alors que Arthur voulait sans doute leur enlever leur suzeraineté sur ceci. Et Arthur est attristé d'ailleurs parce qu'il n'a pas beaucoup de chevaliers après lui, il en a eu 2000. toujours un drama king, Arthur. Et là, on revient sur les aventures de Perceval. Et c'est là qu'on nous explique qui est notre auteur. On nous dit que Gaucher de Dondin, qui nous a transmis cette histoire, raconte que Perceval a voyagé pour presque 15 jours après avoir relâché Bagomedes, sans faire aucune aventure qui vaille la peine d'être dite. Ce dont je doute très fortement, vu la proportion de Hocher raconter n'importe quelle aventure qui arrive à Perceval, mais enfin voilà ce qu'il en est. Jusqu'à ce qu'il entre dans une forêt où il voit un enfant magnifique, un enfant très beau qui a à peu près 5 ans et qui est assis sur la branche d'un arbre. Oui. L'enfant, en fait, le salue, mais refuse de descendre. Perceval lui pose des questions. Essaie peut-être qu'il connaît quelque chose sur tous ces mystères auprès des questions qu'on peut courir, le roi pêcheur, etc. L'enfant ne lui répond pas. Et en fait, il lui dit, vous pouvez aller par là au mont douloureux. Vous êtes sur le bon chemin pour le mont douloureux. Et ensuite, il gravit les branches et il disparaît dans les hauteurs. Genre, il a l'air de disparaître en grimpant dans l'arbre. Perceval passe la nuit dans un ermitage. Il arrive le lendemain vers midi au Mont Douloureux. Il laisse son cheval manger dans un coin et il voit une demoiselle sur un palefroy qui lui dit « Non, mais montez pas au Mont Douloureux, mon ami est devenu fou. » En essayant de faire l'aventure, quoi, comme, voilà. Comme Queux et ses amis. Donc, on nous explique aussi d'ailleurs la nature du Mont Douloureux. En fait, c'est que le roi Uther, donc le père d'Arthur, voulait savoir comment repérer le meilleur chevalier du monde et il avait demandé à Merlin qui lui avait fait un pilier entouré de 15 croix, donc 5 bleues, 5 blanches et 5 rouges, donc des couleurs très patriotiques pour nos auditeurs français. Et si un chevalier n'est pas le meilleur chevalier du monde, bah, il deviendrait fou en essayant d'attacher son cheval à ce pilier. Perceval, bien sûr, y arrive. Enfin, vous devinez que cette épreuve était là pour le distinguer en tant que meilleur chevalier du monde. Ce qui fait que justement une demoiselle surgit et lui explique tout ça, l'histoire du pilier. Il est accueilli en fait dans une tente par un grand nombre de personnes qui semblent être là juste pour faire le welcome committee pour quiconque. Congratulations. Elle lui demande qui a lui expliqué comment venir au Mont Douloureux. Il lui explique ses aventures, incluant l'histoire du chevalier qui lui a poussé dans la tombe. Et là, elle lui explique qu'en fait, ça aurait été mieux de le tuer lui parce que c'est un magnifique brigand qui cause beaucoup de mal. Et elle demande le nom de Perceval, l'apprend, elle ressortir dans sa chambre, et Perceval dort jusqu'au lendemain, et la demoiselle, le lendemain, lui pointe la direction de la cour du roi pêcheur, où il arrivera le lendemain. Donc on s'approche vraiment de la fin de l'histoire, où il va justement son retour au château du Graal. Ce qui est assez intéressant, c'est que, pour le coup, la deuxième continuation manage ça de façon bien plus simple et efficace. Bon, on vous a épargné, genre, je pense, 20 épisodes qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'on vous a raconté. Oui, mais il rappelle quand même assez régulièrement le château du Graal, il cherche régulièrement des informations, donc il ne lui arrive pas 15 aventures sans qu'il n'y pense même. S'il est assez facilement distrait de son chemin. C'est beaucoup plus orienté. C'est quand même assez orienté. Donc, Perceval arrive après un orage, il voit une espèce d'arbre. Un arbre couvert de milliers de chandelles, qui est un motif qu'on retrouve aussi dans Durmark le Gallois, qui est une romance inspirée par. Probablement qui reprend le motif ici, mais c'est un motif qu'on va retrouver et qui va être expliqué bizarrement dans la troisième continuation. Donc, on reviendra là-dessus. Manessier donne une explication assez incongrue. Mais ça, c'est une autre histoire. Faut peut-être juste préciser, fait assez intéressant pour le coup, que le manuscrit de la Bibliothèque des Bourgeois de Berne, qui contient que la deuxième continuation, contient aussi Dumas le Gallois. C'est par une espèce d'ironie du sort. Toujours est-il qu'effectivement, il voit cet arbre plein de chandelles. Quand il s'en approche, il n'y a plus de chandelles dans l'arbre. Mais par contre, il voit une chapelle magnifique à côté, dans laquelle il brûle une seule chandelle. Sur l'autel se trouve un chevalier mort. Et quand Perceval entre dans la chapelle, il voit une lumière très vive qui s'éteint. Et il entend un coup de tonnerre et une main noire sort derrière l'autel pour éteindre la chandelle. Il fait complètement sombre dans la chapelle et du coup Perceval, qui voit la lumière de la lune en dehors, décide de s'en aller et de monter sur son cheval et de dormir près d'une croisée des chemins. Le lendemain, il croise 4 chasseurs qui chassent pour le roi pêcheur. Les chasseurs lui expliquent que le château n'est plus loin. Il voit une magnifique jeune dame qui chevauche un pâle froid. Elle lui demande où il a dormi la nuit. Il lui raconte l'aventure de la main noire, qui est une aventure que Gauvin avait lui-même dû faire avant de passer au château du Graal dans la première continuation. Et elle lui explique qu'il va bientôt apprendre la vérité sur le Graal et la lance, mais elle refuse de lui donner la moindre explication sur l'enfant dans l'arbre. Continuant là sa route, il arrive au château du Graal. Il est bien reçu. Le château du Graal lui demande de nouveau de lui raconter l'histoire du chevalier mort, de la chandelle et de la main noire. Il parle du gamin dans l'arbre, et le roi accepte de lui expliquer tout, mais l'invite à manger d'abord. Durant le repas, il voit de nouveau la procession du Graal. Il ne sait pas, il est tellement excité cette fois-ci qu'il ne sait pas trop sur quoi il doit demander. Le roi lui dit « mange, mange, mange ». Et finalement, quand elles reviennent avec le Graal et la lance, il demande au roi pêcheur de lui donner, de dire la vérité sur les objets. Qu'est-ce que le Graal, qu'est-ce que la lance, qu'est-ce que cette épée brisée ? Il lui explique, le roi, qu'il va d'abord lui raconter l'histoire du gamin dans l'arbre, et qu'il lui raconte qu'en fait l'enfant a refusé de lui expliquer quoi que ce soit parce qu'il connaissait le péché de Perceval en raison de son premier passage face au château dans le château du Graal. Il lui explique également qu'il va lui en dire plus sur le Graal. Aussi, en fait, il lui dit qu'il a oublié Dieu. Ah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que l'enfant s'en va dans les airs pour lui faire penser au ciel et au paradis. Exactement. En fait. Et il refuse de lui dire quoi que ce soit d'autre avant qu'il n'ait mangé. Mais Perceval est tellement stressé à l'idée de ne pas savoir ce coup-ci, il a bien pris à cœur l'idée qu'il ne va pas savoir, qu'il lui demande au moins avant qu'il mange de lui raconter l'histoire, la vérité sur cette épée. Et là, le roi lui explique que seul un prodome, enfin un chevalier qui est tellement excellent en termes de chevalier de piété, pourra la rassembler. Et il lui suggère d'essayer de rejoindre les pièces. Et qu'ensuite il lui expliquera la raison pourquoi ce chevalier était couché mort dans la chapelle. Perceval parvient à les rejoindre parfaitement, elle reste fixée, except une toute petite fissure. Il reste juste une toute petite fissure. Et du coup, Perceval est le meilleur chevalier du monde de tous ceux qui y vivent, le meilleur chevalier au monde, quoi. Mais il n'est pas encore parfait. Il n'est pas encore parfait, il y a encore la petite fissure. Et Perceval est si terriblement déçu que tout le monde est émerveillé par son deuil quand il apprend ça, tout ça pour ça. Et quand Perceval voit ça, il est tellement heureux et embrasse Perceval et lui dit de rester dans sa maison et qu'il l'abriterait des dangers, qu'il l'accueillera pour toujours, visiblement. Le servant qui avait amené l'épée l'enveloppe dans un tissu. Et Perceval commence à finalement se sentir mieux. Et là se termine la seconde continuation. Sauf dans ce fameux manuscrit de Berne, qui est... Exactement. Qui, lui, ne contient que la seconde continuation et qui contient une conclusion séparée, du coup, assez logiquement, puisqu'il faut bien donner une conclusion à ce récit au bout d'un moment. Cette conclusion est éditée et traduite surtout par Bryant dans sa large édition donc intégrale. Il lui explique la vérité, le fait qu'il ait quand même réussi presque à complètement réparer l'épée. Mène le roi pêcheur à lui expliquer que la lance est bien celle de Longin, que le sang a servi à restaurer la vue de Longin, puisqu'il y avait une traduction chrétienne qui voulait que Longin ait été aveugle jusqu'à ce que le sang du Christ touche ses yeux. Et là, Perceval demande à savoir du coup qui est servi du Graal. Et là, le roi pêcheur semble être tout à coup guéri, demande son nom à Perceval. Et quand Perceval lui dit son nom, il lui explique que Perceval lui explique qu'il est né à Cynadon et que son père, c'est Alain le Gros. Et le roi pêcheur, du coup, lui explique que Alain le Gros est en fait le fils du roi pêcheur, qui était censé être le cousin de Perceval, si vous vous souvenez, que la mère d'Alain Le Gros était Énigée, donc la femme du roi pêcheur, et que son frère, le frère d'Énigée, était Joseph, à qui Jésus-Christ était donné quand il a été descendu de la croix. Donc que le roi pêcheur est le beau-frère de Joseph d'Arimathie, qui est un élément d'ailleurs qu'on va retrouver dans des interprétations plus modernes de l'histoire, notamment dans Graal Théâtre, et que Perceval est donc du coup le neveu de Joseph d'Arimathie, ou le petit-neveu de Joseph d'Arimathie. Donc c'est assez incompatible avec l'histoire de Perceval, mais vu que c'est que dans la première, que l'histoire de la seconde continuation est isolée dans le manuscrit, il y a techniquement pas de contradiction interne ce coup-ci. Ouais. En plus, si ça comprime quand même quelques siècles d'histoire chrétienne, oui, alors bon, quelques générations. Voilà, on peut imaginer que le roi pêcheur et Énigée ont vécu pendant très longtemps. Et il a expliqué que ce Graal en fait est non seulement c'est de là que vient l'idée en fait que le Graal est non seulement la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ, mais aussi celle que Jésus a utilisée le jeudi saint pour la Sainte Cène. Et il lui explique que maintenant, avant d'entendre quoi que ce soit d'autre, il faut couronner Perceval, puisque ça sera son tour d'être le roi, vu que le roi pêcheur ne va pas vivre plus de 3 jours maintenant. ainsi le veut le Créateur, explique-t-il. Il va chercher sa couronne, ses vêtements, les amène à la chapelle. Là, Perceval est couronné et on lui donne sa couronne. Et il est apparemment nommé roi de 3 royaumes. Et le roi pêcheur meurt après 3 jours. Et 3000 chevaliers étaient présents à cet enterrement. Ainsi était la volonté de Dieu. Et c'est là que se termine la seconde continuation dans le manuscrit de Bernon. On explique un peu plus à Perceval ce coup-ci. Et Perceval devient le nouveau roi pêcheur. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure après cette conclusion justement atypique de la deuxième continuation qui comprime tout d'un coup brutalement. Elle est peut-être un peu facile en fait. Elle dit bon finalement il faut rabibocher tous les petits fils qui pendaient et on voit une tentative aussi de connecter ça au cycle du Graal qui s'élabore parallèlement à ça, donc le cycle de Robert de Boron qu'on verra la prochaine fois, qu'on abordera en tout cas la prochaine fois. Oui, parce qu'on vous l'a pas dit directement, mais on va attendre un petit peu avant de vous parler des troisième et quatrième, enfin c'est la continuation de Manessier et de Gerber qui seront abordés sans doute après qu'on vous ait parlé de la Vulgate et de la Post-Vulgate. Mais effectivement, la prochaine fois, on vous parlera des cycles du Graal inaugurés par Robert de Boron d'abord dans son Histoire du Graal en vers. C'est-à-dire qu'on voit l'idée justement d'inscrire le Graal dans un cycle d'œuvres qui chacune développe, disons, un aspect peut-être de son histoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a été amené en Bretagne, comment est-ce qu'il a été retrouvé, ça c'est assez clair, et puis au milieu peut-être comment est-ce que le roi Arthur est monté sur leur trône, des choses comme ça, qui vont créer en fait, qui vont mélanger, si on veut, ce qu'on voit là qui est clairement la traduction des romans, la traduction romanesque des œuvres de chrétiens, des romans qui circulent en français et qui vont circuler après dans d'autres langues. Et qui vont intégrer les éléments qu'on avait vus plutôt historiques, des chroniques où on voit justement la jeunesse d'Arthur, la montée sur le trône et la fin de son royaume aussi. L'ascension et le déclin de son royaume en fait. Donc ça va être la prochaine étape, ça va être vraiment des cycles. Parce que là, ces continuations, c'était un peu des demi-droites, des prolongations, peut-être plus que des continuations, de l'histoire de Perceval, et où on ne sait pas trop comment la conclure finalement. C'est-à-dire que Perceval, techniquement, à la base, on lui avait dit si tu avais posé la question, tu aurais guéri le roi. Et là, finalement, quand vous lisez la deuxième continuation, le roi, il n'a pas l'air d'être si guéri que ça, alors que Perceval, il a posé 14 questions. Et la conclusion de la Burger Bibliothèque, c'est peut-être justement cette tentative de dire on a assez passé de temps, on aimerait bien avoir une jolie conclusion. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans le Perceval en prose, on va retrouver beaucoup des épisodes de la seconde continuation, et qui, après ça, malheureusement, vont un peu disparaître parce que Perceval ne va pas rester le héros du Graal pour toujours. Là, on a une tradition qui va continuer dans les troisièmes notations de Manessier et Gerber. Running gag, voilà. Qui va continuer la continuation de Manessier et Gerber où Perceval est le héros du Graal, mais bientôt, on va voir ce qu'on appelle la Vulgate où ça va être en fait Galahad et où on va essayer de mélanger Lancelot à tout ça parce que c'était pas assez confus pour l'instant. Et qu'il n'y avait pas le meilleur chevalier de tous les temps selon en tout cas les Français du XIIIe siècle, notre ami Lancelot, effectivement. Donc on espère vous voir la prochaine fois pour vous parler des cycles du Graal. On va retrouver beaucoup des éléments qu'on a discutés là. Et on espère que ça n'a pas été trop difficile de suivre ces textes qui effectivement sont très longs, très difficiles, peu répétitifs parfois. On vous a raconté quand même l'équivalent en termes de contenu de 4 fois Perceval dans l'intervalle qu'on a pris pour vous parler que du conte du Graal. Donc c'est pas étonnant finalement que ça puisse être un peu confus si jamais. Mais on espère vous retrouver et on espère que ça vous plaira tout autant.